Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, vrai Junior. Bonsoir, Que frère la Junior. grâce et la paix vous soient Bonsoir. multipliées. Amen. Je m'excuse avec ce petit retard. On a eu des problèmes de connexion ici. Non seulement problème de connexion, problème de lumière, problème et tout ça, le problème en Afrique. En fait, en quelque sorte, le problème des pays sous-développés, quoi. Vous pouvez comprendre. Bonsoir, la sœur Reine. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Il va très bien. Et l'une des causes qui m'a poussé à être en retard, c'est celui dont il est derrière, là, vous le voyez, c'est le frère Yassine qui est là derrière. Oui, Hassan, shalom. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ils sont allés le chercher à 30 km d'ici, sans compter qu'il fallait braver les embouteillages, les bouchons et les trous, les nids de poules en route, ainsi de suite. Donc, on vient tout juste d'arriver. Dieu vous pense. Bah, le bienvenu, mon frère. Merci beaucoup, ma soeur. Le père Simon. Oui. Alors, nous disons bonjour particulièrement à la nouvelle venue de Belgique de la sainteté, Manuela, qui est née, n'est-ce pas? Oui, Manuela. Voilà. Donc, je crois qu'on lui dédie ces chansons-ci. On chante ensemble, d'accord? Je sei besinnen, dass man sie des Buch nicht fährt. Aber nie winnie, cierpiąc zmarł za nasze grzechy. I w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł. Z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. La sœur amie, bonsoir. le son. La soeur Annie, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. La soeur Reine de Belgique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Tu attendais des pieds fermes, comme on dit dans le jargon journalistique, des pieds fermes, tu les attendais. Clair et net. Tu as bravé toutes les saisons pour pouvoir être là à l'heure. Toujours. Mm-hmm. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc la chanson, c'est une chanson en polonais. Je crois que mes amis de la Norvège et de la Pologne sont contents d'entendre cela. Mais c'est spécialement dédicacé pour notre petite sœur Manuela, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous l'entendez? C'est un succès. Le frère, le couple Trabi, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Donc, comme il disait, la chanson, c'est en polonais. Je crois que vous n'avez jamais entendu ça. C'est pour ça que vous me voyez danser en joie, là. C'est très, très succulent. Mais ce n'est pas pour vous, c'est pour la notre petite fille. J'imagine que sa maman a beaucoup dansé aussi. Et quoi, quand elle va grandir, elle va aussi suivre ce bamba et elle va danser. Mm-hmm. Comment vous allez alors? Ouais, tout va très bien, par la grâce de Dieu. Donc, je sais qu'ici au salon, je suis passé le jour, je suis avec le frère Yassine de l'Allemagne qui est venu là. Donc, comme je disais dans la première partie, je suis allé pour le chercher à 35 km d'ici et les routes ne sont pas ouvertes en Afrique comme chez vous. Donc, je crois qu'il saura m'assister. Même s'il est en train de manger derrière, s'il y a des questions qui sont difficiles, il pourra répondre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. La soeur, le siècle, non, elle n'est pas connectée, elle est encore à l'hôpital. Donc, finalement, son mercredi n'a pas eu lieu. Mercredi, elle parle, n'est-ce pas? Elle dit que les médecins ont dit quoi là déjà? C'est mercredi. Voilà, comment était votre semaine? Je suis à votre service. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus Christ soient multipliées. Amen. Le plaisir toujours pour moi renouvelé d'être dans votre présence et en sa présence, surtout en sa présence. Amen. La soeur Tra, courage, d'accord? Vous savez, il y a un commandement que les femmes, quand vous êtes mariées, vous ne pouvez pas dérober. C'est vous enfanterez dans la douleur. Vous ne pouvez pas vous dérober de cela. Autant qu'on obéit à d'autres commandements, il faudrait aussi qu'on obéisse à cet autre commandement. Quand on obéit au commandement, tu ne tueras pas. On ne dit pas au frère que intercède pour moi pour qu'il ne tue pas, frère. Mais ce genre de commandement, tu enfanteras dans la douleur, on dit frère, intercède pour moi pour que j'accouche bien. Ouais. Ah, c'est tout. Mais tout va bien. Donc, si je comprends bien, on ne peut pas faire de péridurale alors. Tu peux échapper un peu au commandement, n'est-ce pas, ma soeur? Vous la connaissez, sans. Il n'y a nul doute de là. En tout cas, bonsoir, sa grâce. Elle est passée là. On t'a vu, hein? Oui, on l'a vu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Inclinons nos têtes, prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu nous donnes encore dans ta présence. Alors que la chair était fatiguée, tu nous fortifies toujours car c'est toi qui renouvelles nos forces, Père de gloire, afin que nous prenions de l'envol comme tes aigles. Nous voici réunis dans ta présence, ne sachant pas ce qui arrivera. Nous prions au Père, comme toujours, que tu prennes le contrôle et que tu diriges toutes choses selon ton bon plaisir. Père de gloire, nous soumettons nos âmes, nos pensées, nos cœurs entre tes mains. Pour mes soeurs, tu connais les difficultés de nos vies, tu connais tout ce que nous traversons, tu connais ce à quoi chacun de nous traverse et tout ce qui nous écoute maintenant. Nous prions au Dieu de gloire que ton regard favorable soit sur nos vies, afin que nous marchions, Père de gloire, durant ce moment de ténèbres qui se meurent sur la terre, que nous marchions dans la sainteté, dans la droiture, étant pur dans toute, Père de gloire, dans toutes nos marches. Donne-nous, ô Père de gloire, de marcher toujours comme toi tu veux, de marcher en prenant des voies qui te sont toujours agréables. Donne-nous de vivre, ô Dieu de gloire, sur cette terre, durant ces derniers jours, ô Dieu de gloire, que nous avons à vivre, donne-nous de vivre selon ta voie. Et que toutes les choses que nous avons à faire, en parole, en pensée ou en acte, que ce soit conformément à ta parole. Nous soumettons donc ces soirées entre tes mains afin que toi-même tu la diriges. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous arrête. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'imagine que la semaine dernière, nous avons laissé quelque chose en suspens. Je ne sais pas de quoi, ce que nous avons vu la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a vu? Y a-t-il quelque chose qu'on a laissé en suspens? Est-ce qu'on a laissé quelque chose en suspens? La soeur amie? Oui? Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière alors? J'essaie de voir. On a parlé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de questions qui s'étaient posées. Oui. Donc, donc je crois que nous avons parlé particulièrement de Jésus, de sa divinité. Je crois que le frère, il y avait le frère Frédéric qui a posé la question concernant la divinité de son Jésus-Christ. Nous sommes entrés en profondeur en parcourant le livre d'Ésaïe, en voyant effectivement que nul doute que la Bible dit clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, malgré qu'il y ait des multiplicités de dieux dans le monde entier, soit dans les cieux, soit sur la terre. Et nous avons creusé en répondant certainement à la question de notre frère de 1 Corinthiens chapitre 15 qu'il avait posé, puisque dans ce livre-là, on parle de lorsque il aura tout mis comme ennemi sur ses pieds, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et nous avons fouillé des fois encore dans la Bible, nous avons vu qu'il n'y a qu'un seul rédempteur, on voit chaque fois que c'est le Seigneur Jésus, il n'y a qu'un seul sauveur, on voit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on est allé dans la Bible voir plusieurs fois, et particulièrement dans le livre de Jean chapitre 3, où le Fils de l'homme, parlant à Nicodème, a dit clairement que le Fils de l'homme est dans le ciel alors qu'il est encore sur la terre. Nous sommes baladés là-bas en voyant que Jésus-Christ n'est autre personne que Dieu et qu'il ne pouvait pas avoir deux dieux. On a conclu dans 1 Jean au chapitre 5, verset 20, que nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et donc, si les gens font des vidéos en posant la question, Jésus est-il son propre Père, il y a un moment donné, ils vont devoir poser si le Créateur se trouve lui-même créé. Il faut qu'il pose aussi ces questions-là et en répond. Car nous avons vu dans le livre des Colossiens que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu créateur et celui qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui et ces choses ont été créées pour lui. Et on s'est baladé également en s'amusant dans le livre des Proverbes, chapitre 8, particulièrement, on a vu la sagesse. Et dans une des versions, on a vu que dans une des versions, c'était mentionné, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres dans l'une de lui seconde. On a vu de l'autre côté que c'était possédé. Vous voyez, on a essayé de voir exactement ce qu'elle en était. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je suis à votre service encore ce soir, après ce bref résumé. Ok. J'espère que c'est exactement ce que nous avons vu, n'est-ce pas, en briefing. Oui. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, de toute façon, que vous l'admettez ou non, qu'on déchire le monde, qu'on l'admette ou non, qu'on l'insulte, qu'il ait été mort sur la croix, Jésus-Christ est Dieu. Même si la Bible est déchirée, jetée, tout, juste, il y a plus de traces sur la terre, il est quand même Dieu. Amen. Amen. Amen. Qu'il soit son propre père ou qu'il soit n'importe quoi, il faut qu'on comprenne le langage qu'on veut dire père. Il faut qu'on comprenne ce que veut dire fils. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Je crois au moment du développement, nous sommes allés dans le livre des Genèse, des Exodes chapitre 19 et chapitre 20, parce que l'une des questions qu'on pose aux gens, c'est que lorsque Jésus a été baptisé, une voix s'est fait entendre dans le ciel et on a vu le ciel ouvert, Jean-Baptiste a vu le ciel ouvert, le Saint-Esprit vint sur lui comme sous la forme de la colombe. Nous sommes allés dans la Bible, dans le livre des Genèse, quand Dieu est venu sur la montagne, on a vu clairement qu'on a dit qu'il a apparu sur la montagne, mais il a parlé à partir du ciel. Et il était face à face sur la montagne là, et il n'a pas mis la main sur les élites des enfants d'Israël, ils ont mangé là-bas, ils ont vu la voix de Dieu d'Israël. Ils ont dit sous ses pieds, oui. C'est comme de l'airain polymère. Il parla depuis le ciel. Donc, malgré qu'il était sur la montagne, il était encore dans le ciel. Jésus-Christ qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Donc, je suis à votre service ce soir. À moins que vous vouliez que nous prenions la Bible, on voit un thème, un sujet ce soir et on développe. Ça dépend de vous maintenant. Je suis à votre service. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Comme le titre l'indique, Belgique pour la sainteté, oui. Et nous sommes en marche dans ce couloir de la sainteté. Mm. J'ai une question concernant la sainteté. Ma question est, comment un homme peut-il savoir s'il est possédé? Bonne question. Je crois que sur la chaîne YouTube Bamba Eba, j'ai parlé une fois des signes de la possession. Signes de la possession. Mais avant de répondre à cette question-là, je vais garder cela en suivant le trait de fil dans la Bible. La sœur Amie, as-tu une préoccupation? Gardons cette question, est intéressante. Je voudrais voir s'il n'y a pas autre direction. Comme ça qu'on va venir prendre là pour bien développer. Y a-t-il une autre question, ma chère? Non, je n'ai pas de question, frère Junior. Voilà, tu veux seulement absorber les questions et les réponses des autres pour pouvoir s'édifier mutuellement, n'est-ce pas? Donc tu en profites quand les autres posent la question, tu dis, ah, la question, si je souhaiterais poser une question, il faut qu'on explique, qu'on comprenne là. Oui, je n'ai pas de questions. La sœur Anne, y a-t-il des questions? La Bible là malaise, n'est-ce pas, la sœur Anne? La Bible est compliquée. Hein. J'ai une question dans Romain. Voilà. Romain 1, verset 11. Romain chapitre 1, verset 11, oui. Je trouve. Alors, on dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. C'est dans quel sens communiquer les dons spirituels? Bonne question. Mais c'est, tu commences déjà à voir les questions des apôtres. Hein? Vous savez. Il est temps vraiment qu'on connaisse. Attends, la sœur n'a pas encore trouvé. La sœur, Ami, tu as trouvé. Romain chapitre 1. Romain 1. Le verset 11. Lis le verset 12 aussi. Il ne veut pas que vous le voyez. Oui. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi que nous, qui nous est commune à vous et à moi. Voilà. Donc, l'apôtre Paul ici cherche à aller à Rome. Remarquez très attentivement. Regardez à partir du verset 8. Il dit, verset 8. Écoutez très attentivement. On y va. Voilà. Je vais prendre à partir du verset 4. Hein, ou bien, regardons. Je lis le verset 1. Allons-y doucement. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour vous amener. En son nom, à l'obéissance de la foi de tous les païens. Vous y êtes? Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez très attentivement ce qu'il va dire maintenant l'intention. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sais en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin, écoutez bien, que je fais sans cesse mention de vous. Demandant, écoutez, 10 maintenant, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. J'aime ça. Communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de, écoutez bien encore le mot, de recueillir quelques fruits parmi vous. Comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Amen. Là, puis mon grand frère, il dit ces paroles, il dit qu'il se doit aux Grecs et aux Juifs. Maintenant, il y a une explication à donner dans la profondeur par rapport à cette question-ci. C'est qu'en réalité, l'apôtre Paul, vous savez, ok, je crois que ce serait mieux d'expliquer ça doucement. Souvenez-vous qu'il est appelé parmi les gentils à annoncer l'évangile. Il est appelé à annoncer Dieu là où ça n'avait pas été, Dieu n'avait pas été nommé. Et comme la torche olympique, vous savez, quand les Jeux olympiques, on doit parcourir les Jeux olympiques, on met la flamme là, on arrive quelque part, on met, vous savez, quand vous avez la bougie, une bougie dans une salle et tous les autres ont les bougies non allumées. Et qu'on arrête cette bougie là, on puisse mettre là et puis l'autre candle, on essaie d'allumer les bougies les uns et les autres, on transmet. Il est établi comme la lumière des nations. Vous vous souvenez de ça, Actes d'Apôtre chapitre 13, nous dit que lorsqu'il a annoncé la parole aux Juifs, là, lorsque le sabbat suivant, toute la ville était réunie, et ils ont commencé, lui et Barnabas, ont commencé à annoncer la parole. Les Juifs qui étaient là-bas dans cette ville ont vu, effectivement, étaient jaloux du fait qu'ils annonçaient la parole de Dieu, ont commencé à exciter la foule. Allons-y dans Actes des Apôtres chapitre 13, voyons ce qu'il va dire là-bas. Actes des Apôtres chapitre 13, rapidement, et on revient sur ce que notre frère nous dit ici, comme question. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Verset 45 et suivant, écoutez très attentivement. Verset 45 à 52, je vais lire, vous permettez? Amen. Verset, la sœur Ami, tu y es? Oui. Actes des Apôtres, chapitre 13. Donc, l'apôtre Paul a prêché. On lui a demandé le sabbat suivant de venir encore prêcher les mêmes choses. Je vais rapidement au verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur disent, écoutez très attentivement, avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car, écoutez bien maintenant ce qu'il cite, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Écoutez, maintenant il cite le livre du prophète Ésaïe au chapitre 42, verset 6, au chapitre 49, verset 6 également. Si vous ouvrez Ésaïe chapitre 46, verset 6 et 49, verset 6, il va citer ce qui est écrit Isaïe là-bas. Et donc, dès qu'on finit dans Actes des Apôtres, on y va pour voir ce qu'il en est, pour qu'il puisse développer. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Gardez bien le verset que l'apôtre Paul a cité. Je voulais expliquer en profondeur ce qu'il a dit de vouloir dire dans le livre des Romains, chapitre 1, verset 11. Là. Pas en profondeur. Le pourquoi il dit, parce que c'est normal pour qu'il dise ainsi. Ah mon Dieu, quel apôtre nous avons aujourd'hui. Chapitre 46, verset 6 et le chapitre 49, verset 6 également. Vous y êtes? Actes des Apôtres, chapitre 42, verset 6 et chapitre 49, verset 6. Ésaïe. Ne me dis pas qu'il y a le chapitre 42 dans Actes des Apôtres, ma soeur. Je t'en ai dit que l'apôtre Paul et Barnabas ici citent le livre du prophète Ésaïe. Parce que c'est dans Ésaïe que ce passage est écrit. Allons-y voir quelque chose. 42, d'abord, verset 6. Qu'est-ce que ça dit? Ésaïe 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Oui. Et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, traiter des nations, ouvrir les yeux pour faire partie des prisons de captifs, et leur chaud ceux qui habitent dans les ténèbres. Voilà. Alors, chapitre 49. Je suis l'Éternel. Oui, c'est bon. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Il ne donnait pas ma voix aux idoles. Oui, continuons. Chapitre 49, verset 6. Il dit, c'est tu tribut le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Là maintenant, ça pose problème ici. Parce qu'il y a une personne qui est la lumière des nations. Si vous lisez Jean chapitre 12, vous voyez, si vous lisez Jean chapitre 12, la Bible déclare, Jésus dit clairement de lui, au Jean chapitre 8, il dit que je suis la lumière du monde. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Je veux que vous compreniez très attentivement. Le Seigneur Jésus est la lumière du monde. Il est le salut pourvu par Dieu. Maintenant, ici, si vous comparez le chapitre 42, regardez, chapitre 42, verset 6, on dit au verset 6 là, que moi, l'Éternel, j'étais appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Donc, la personne qui est ici est la lumière des nations. Cette personne-ci, des Actes des Esaïe, chapitre 42, est la lumière des nations. Maintenant, le personnage du chapitre 49, verset 6, porte la lumière vers les nations. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. Regardez encore, verset 49, chapitre 49, verset 6 dit, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. J'ai établi pour être la lumière des nations. Vous avez vu? Cette personne est la lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, il y a deux ministères contenus ici. Il y a quelqu'un qui a la lumière et quelqu'un qui est censé annoncer cette lumière-là et pour porter comme ça le salut. Parce que la Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 1 et chapitre 2 que Jésus est le salut que Dieu prête devant tout le monde. Allons dans le livre de Luc. Livre de Luc, rapidement, rapidement. Ça commence à nous entraîner partout là-dedans. Matthieu, Marc et Luc. Luc. Vous y êtes? Combien? Luc chapitre 1. Par la suite, quand on va finir Luc chapitre 1, on va voir ce que Zacharie dit au verset 67 à 71. D'abord. Puis on va au chapitre 2. Ou bien, on ose y être. Oui, quelqu'un lit le verset 67 à 71 d'abord. Enfin, lisons jusqu'au 79. Allons-y. Zacharie, son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur d'Israël de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, devant la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis et ténèbres dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi la connexion de la soeur, ou bien c'est ma connexion qui n'est pas bonne. Il y a un peu des cassures là. Chapitre 2 maintenant, verset 25 à 32. La soeur amie, tu peux lire. Bonsoir à la famille Clodon. Bonsoir à la famille Clodon, oui. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme de nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti, le Saint-Esprit, il ne verrait pas la mort d'avoir vu le Christ le Seigneur. Il va au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage après la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Jusque où? Jusqu'à 32. « Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations. » Et gloire à ton peuple Israël. Voilà. Donc nous voyons effectivement ici que le prophète dit ici clairement que ses yeux ont vu le salut. Et ce salut-là, c'est ce qu'il a préféré devant tous les peuples. N'en plaise aux musulmans qui disent que Jésus n'était pas venu pour tous les peuples, que c'était à Israël. C'est leur problème. On dit le salut-là, c'est pour tous les peuples. Et on dit lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Donc c'est la différence ici entre les nations et les peuples d'Israël. Donc, nous voyons effectivement clairement ici que c'est Jésus qui est le salut, c'est lui qui est la lumière. Mais le chapitre 49, verset 6 de Genèse dit, de quoi, de Ésaïe qu'on a lu, dit, que quelqu'un est censé porter cette lumière-là dans les nations. Il faut aller annoncer cette lumière dans les nations parce que la nation, c'est une personne. Le salut, c'est une personne. On doit l'annoncer. Et donc, rentrons maintenant à chapitre 13. Donc, maintenant, regardons. Regardez encore verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quelqu'un doit porter le salut. Et donc, l'apôtre Paul disait exactement dans ce ministère ici, ok, il dit, vous les Juifs, puisque Jésus, dans l'ordre des missions, dit, soyez, que le ministère soit d'abord établi à Jérusalem. Vous voyez, dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous voyez, en Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, voilà la progression. Lorsque le témoignage est établi parmi les Juifs, c'est les Juifs d'abord, le salut vient des Juifs, ils devaient comprendre que leur Messie était venu. Lorsqu'ils ont rejeté maintenant, c'était l'ouverture maintenant vers les nations. C'est donc pour ça, à cet instant-là, on dit, ok, la porte est ouverte aux nations maintenant pour que ce que Esaïe avait dit dans sa parole puisse s'accomplir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, je reviens maintenant sur la question de Romains chapitre 1, verset 11. C'est là où se situent maintenant toutes les choses. C'est dans cette commission-ci que se situent donc toutes les choses. Si on sait exactement ce qu'un apôtre, et particulièrement qui était l'apôtre Paul, on devrait vraiment craindre, vraiment les appeler des dieux, en réalité. Parce que là, il entend dire à Rome, parce que si vous lisez dans Actes chapitre 1, vous allez remarquer, allons dans Actes chapitre 1 voir, regardons quelque chose. Actes chapitre 1. Ou bien, prenons le chapitre 2 rapidement, chapitre 2 des Actes apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2. Vous y êtes? Lisons le verset 10. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 10. Oui. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Je continue? Non, c'est bon. En fait, je voulais vous montrer effectivement qu'en réalité, remarquez très attentivement que c'est lorsque le Seigneur Jésus est parti et que le Saint-Esprit est descendu sur l'église. Il y avait des gens qui venaient de Rome là-bas. Ils étaient présents. Ils étaient parmi les gens qui étaient là témoins de la manifestation de la première église du Seigneur. Et donc là, beaucoup de personnes ont cru là-bas. Si vous lisez l'Acte chapitre 16, vous allez trouver là-bas Andronicus et Junias. Deux personnes. Deux hommes qui sont venus et qui étaient là-bas, l'apôtre Paul parle d'eux comme étant ses parents, et qui étaient même dans le Seigneur avant eux. Et ils se trouvent à Rome. Donc à Rome, là-bas, si vous lisez dans le chapitre 16, il y a cinq communautés qui se vivent dans cinq maisons là-bas différentes. Et il écrit pour les saluer. Il va les saluer dans cinq différentes maisons là-bas. Ça veut dire concrètement que avant que l'apôtre Paul ne vienne en Christ, les gens sont déjà à Rome, qui ont connu le Seigneur. Et donc maintenant là, c'est lui le docteur d'établissement, c'est-à-dire l'apôtre des gentils. Les dons spirituels doivent se manifester dans ces églises-là. Ça doit passer par lui. D'accord, la sœur reine? C'est pour ça qu'il a dit qu'il veut recueillir quelques fruits. Il y a des choses qui sont attachées à son ministère. Le cas des Actes apôtres chapitre 16 également est intéressant. Si vous lisez Actes apôtres chapitre 16, le verset 1 et 2, vous allez remarquer que là-bas, il va trouver Timothée, qui était le papa grec et des mères juives, un disciple auquel on rendait bon témoignage. Il va le prendre avec lui. Et à partir de ce moment-là, Timothée va le suivre. Il va initier Timothée dans la vie de la foi au point où il va découvrir exactement ce à quoi Timothée a été appelé. Et il va même recevoir maintenant son appel de son ministère et les dons spirituels par l'imposition de ses mains avec prophétie. Donc il pouvait savoir maintenant enrôler dans la charge précise dans le corps de Christ, Timothée, qui était évangéliste. Or, vous regardez dans ce chapitre 16, on parle tout simplement que c'était un disciple dont tout le monde rendait témoignage. Puis on lui dit, l'apôtre lui dit clairement que fais l'œuvre d'un évangéliste. Il dit, tu connais de qui tu as reçu cela, souviens-toi, ce n'est pas l'esprit de Timothée que Dieu nous donne. Donc l'apôtre Paul lui a imposé des mains en donnant des prophéties claires concernant son ministère. Et donc l'apôtre Paul dit dans ce Romains chapitre 1, verset 10, 11, qu'il désire venir là-bas parce qu'il sent que l'appel là-bas montre clairement que l'église doit être établie avec puissance. Il y a des dons spirituels qui vont se manifester là-bas. Et il faut qu'il vienne pour imposer les mains. Vous voyez? Pour que les dons spirituels puissent descendre pour descendre dans des vies et établir les gens là-bas. C'est donc pour cela que les ministères de Éphésiens chapitre 4 sont nécessaires pour le corps de Christ. Ce sont les dons hommes. Et c'est pour cela que Satan veut à tout prix combattre ces ministères-là, le ministère des prophètes, le ministère des apôtres, pour que ça ne soit pas là au milieu de l'église aujourd'hui. Parce que Dieu est obligé de passer par là. C'est l'ordre là-bas. On dit, étant monté dans Éphésiens chapitre 4, verset 8, à partir du verset 8, on dit, étant monté, il a fait des dons aux hommes. Des dons hommes, ce sont les dons hommes. Donc des êtres humains qui sont des dons pour l'église, des dons pour les hommes. Ils doivent être là-bas comme dons. Je ne sais pas si vous comprenez. Pas qu'ils sont d'abord eux-mêmes un don. C'est-à-dire que voici le don que Dieu vous donne, un cadeau que Dieu vous a donné comme en tant qu'être humain. Amen. Amen. Je vais revenir sur cela lorsqu'on va parler de le ministère d'apostolique. Ministère de l'apostolat, comment on dit aujourd'hui. Chacun dit, je suis apôtre. Quand tu es apôtre, comment tu es apôtre? Il dit, j'ai fondé trois églises. J'ai une autre église en France. Et donc tu es devenu apôtre. Oui. On a appelé le père là-bas à New York. On m'a consacré. On a reconnu en moi la grâce de Dieu, la grâce de l'apostolat. Non. On ne consacre pas quelqu'un apôtre. Jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Des questions? Vous voyez ce qu'il fait là, non? Bon appétit, frère. Vas-y. Alors, la sœur Christiane, bonne arrivée. Tu es silencieuse là. Bonsoir, mon Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Yes. Donc, tu n'as pas perdu grand chose, malgré que tu vois là qu'il est plus de 22 heures. Ne t'inquiète pas, ça fait seulement 36 minutes que nous sommes ensemble. Donc, c'était la première question comme ça qu'on répondait. Donc, le frère a posé la question, quels sont les signes de la possession? Puisque vous voulez marcher dans la sainteté et plaire au Seigneur, il demandait comment reconnaître qu'on est possédé. Mais regardez très attentivement. Le premier signe de possession, c'est le rejet de la vérité. Là également, je crois qu'avant qu'il n'avance sur ce terrain-là, la sœur Christiane coupe ton micro parce qu'il y a un retour. La sœur, est-ce que tu as compris, tu as suivi la réponse, c'est bon? J'avoue que je suis encore un peu perdue. Je n'ai vraiment pas bien compris. J'ai vu ça au travers de tes lunettes. Je vais dire ça doucement. Écoutez très attentivement. Je vais maintenant dire doucement avec le langage pour qu'on puisse comprendre. L'apôtre Paul est un chef de l'armée de Dieu. Il y a des soldats à Rome qui ne savent pas encore manier les armes spirituelles. Lui, il a les connaissances dans ses armes spirituelles. Alors, il désire aller à Rome pour dire, OK, le frère Tra, comme tu es là-bas, sache que voici, tu as été appelé dans le ministère de la guérison. Toi, tu as été appelé à ceci. Il prie, il est soumis à ces charges-là pour que le Saint-Esprit les utilise ainsi. Amen. Voilà en quoi ça. Voilà ce que le Romain a dit. En langage simple. C'est compris maintenant? Oui, ça c'était. Je soupçonnais bien que c'était bien ça la réponse. Tu soupçonnais. Mais ce que je. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est. Ce que je ne comprenais pas, en fait, c'est. Comment ça peut se faire? En fait, oui, la phrase, ça dit ça. Mais je sais que oui, sûrement, Dieu l'utilise à travers lui, c'est pas lui que Dieu doit transmettre. Oui. Ce que je ne comprends, ce que je comprenais pas, c'était, je me disais donc, c'était possible, en fait. Mais sinon, en fait, j'avais compris que c'était ça, mais je ne savais pas que c'était possible. C'est possible, justement. Regardons, allons dans le livre de Galates, voyons quelque chose là-bas, regardez. Allons-y. Galates, souvenez-vous que Galates, c'est son premier livre qu'il a écrit, l'apôtre Paul. En fait, et vous pouvez remarquer ces choses-là, même dans le ministère de l'apôtre Paul. Remarquez très attentivement qu'il ne peut pas commencer son ministère et entrer en plein dans son ministère tant qu'il n'a pas encore reçu l'imposition des mains. Regardez que le Seigneur lui demande à Ananias d'aller lui imposer les mains, qu'il reçoit le Saint-Esprit. Vous voyez, quand il reçoit le Saint-Esprit maintenant en lui, maintenant le conduit au point où même Ananias va encore entendre les paroles qui sortent de sa bouche, je me dis que yes papa, tu as reçu ici dehors. Or, Ananias vient, il dit, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'a apparu en route m'a envoyé pour t'imposer la main afin que tu reçois le Saint-Esprit. Il t'a destiné à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche et être témoin des choses que tu as vues et c'est les choses pour lesquelles il t'apparaîtra. Vous avez vu, n'est-ce pas? Il lui a donné le carnaval de son ministère. Par la suite, quand Jésus va apparaître à l'apôtre Paul, le révélation qu'il va faire au milieu de lui, le prophète Ananias, il n'est pas avec lui. Mais par le même Saint-Esprit, il est venu lui imposer les mains et le mettre dans sa charge. À partir de cet instant-là, le contrôle de la vie de l'apôtre Paul est entre les mains du Saint-Esprit. C'est exactement la même chose que l'apôtre Paul fait lui aussi. C'est le rôle même de l'apôtre authentique. Les apôtres et les prophètes doivent donner les directions pour les gens. Regardez très attentivement que dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, écoutez, regardez ce que ça nous dit. On dit, il a établi premièrement les apôtres, secondement les prophètes, puis les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Il dit pour le écoutez bien le mot, pour le perfectionnement des saints. Ils doivent perfectionner les saints. On ne dit pas qu'ils sont là pour les rendre saints. Non. C'est Christ qui sanctifie. Ils doivent perfectionner. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir le don spirituel, il ne sait même pas comment s'en servir. Vous avez quelqu'un qui dit que oui, ma main tremble souvent, frère Junior. Quand j'entends ça, je réalise que c'est normal. Mais il faut perfectionner la personne. Vous savez, c'est pour ça que le Saint-Esprit, il faut que ces dons hommes soient là. S'il n'y a pas des gens qui ont atteint la maturité, c'est un peu comme vous prenez le pistolet ou bien la mitraille, vous donnez à un novice qui ne connaît pas utiliser. Il va balancer la pistolet sur les gens. Or, il y a des gens qui savent comment c'est qu'avec le pistolet, on dit débloque telle partie. Faire d'abord telle partie. Quand vous faites le pistolet, quand vous chargez, vous mettez à tel endroit, à telle direction. Il faut d'abord bloquer à tel endroit pour que même un enfant prend, il ne puisse pas tirer. Ces choses-là, ça se passe dans le corps de Christ. De l'utilisation des dons spirituels, c'est comme ça. Vous voyez effectivement encore que dans 1 Corinthiens chapitre 14, regardez depuis le chapitre 12, où il va commencer à vouloir corriger les choses. S'il n'y avait pas de problème dans l'église du Corinth, on ne peut pas savoir que l'apôtre Paul connaissait toutes ces choses. Mais quand le problème s'est posé, il dit que pour ce qui est de ces choses-là, il veut que vous soyez pour le mal, vous soyez des enfants. Mais pour les choses spirituelles, soyez des hommes. Oui, il dit que je vais vous déclarer que nul, s'il parle par l'esprit, ne peut déclarer que Jésus-Christ est anathème et que nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il dit que je vais savoir que vous savez qu'il y a le même esprit qui donne le don spirituel si. Or, il commence à expliquer des choses comme si c'était naturel pour lui. Vous devez comprendre que cette personne se devait avoir une expérience profonde avec le Saint-Esprit. C'est pas ce que vous comprenez. Et donc là, il entre dans les différents domaines de prophétie, différents domaines. Au chapitre 5 d'Hébreux, il se fatigue là-bas. Il dit que vous êtes encore lent à comprendre, vous qui devez être le maître. Dans Ephésiens, il dit, en lisant ces choses, ces quelques révélations qu'il a écrites en quelques mots, vous devez avoir une idée des mystères qu'il a de Christ. Vous voyez, qu'il n'a pas été manifesté en d'autres âges. Maintenant, il a été manifesté maintenant par les écrits des prophètes et des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est que l'apôtre Paul connaissait. Ah, mon Dieu. Et donc, remarquez très attentivement qu'il explique dans les choses l'utilisation des dons spirituels. Quelque chose, quand il explique ça, il n'y a personne qui connaît ça sur la terre. Amen. Quand il parle du don des langues, comment utiliser dans l'incident, comment les prophètes doivent parler, comment vous devez comprendre qu'il a la connaissance de tous ces mystères-là. Et donc, ça veut dire que c'est un directeur, un chef d'orchestre. Amen. Il peut dire que ce son-ci n'est pas bien joué, corriger ces chansons-ci, mettez en la mineur, mettez ici en ré, vous voyez, mettez ici en solo. Donc maintenant, quand vous voyez l'apôtre Paul déployer toutes ces choses, vous connaissez ces écrits-ci. Allez lui poser la question, vous allez voir c'est de quoi les questions. Donc, dans le livre de Galates, une de ces choses se présente encore. Dans la première, sa première lettre, lorsqu'il va écrire pour une première fois, regardez ce qu'il dit à partir du verset 1. Chapitre 3, à partir du verset 1. Écoutez très gentiment. Ô Galates, dépourvu des sens, qui vous a fasciné. D'autres versions disent qui vous a ensorcelé. Ou bien qui vous a envoûté. Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce pas les œuvres de la loi que vous avez reçues? Vous avez, écoutez bien ce qu'il pose comme question. Voici ce que je veux apprendre de vous. En fait, ce qu'il a dit, répondez-moi à cette question-ci. Voici le langage qu'il a employé là. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce pas les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Il a dit de vous la poser la question. Dites-moi clairement. C'est en observant la loi que le Saint-Esprit est venu sur vous, ou bien en vous, ou bien c'est quand on vous a prêché Christ crucifié, que vous devez croire par la foi. Vous voyez? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Vous êtes donc ce questionnement une fois de plus, et vous allez voir là-bas plus tard là, il va encore le dire, mes enfants pour qui j'éprouve encore des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça veut dire que c'est que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4 où il dit que afin qu'on ne soit plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Donc on doit arriver à un statut. Les dons apôtres, les dons prophètes, les dons évangélistes seront là pour perfectionner les saints, pour les encadrer au point où quelqu'un ne pourra plus venir les détourner par rapport aux doctrines. Vous voyez? Voilà une doctrine qui les perturbait d'abord. Pourtant, ils avaient le Saint-Esprit qui manifestait les miracles parmi eux. Et là, l'apôtre Paul dit, oh, mes enfants pour qui j'éprouve encore les devenir l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pourtant, le Saint-Esprit manifesté là-bas, il dit que jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Ça veut dire quoi concrètement? L'apôtre Paul était venu prêcher dans la Galatie, prêcher là-bas, et il y a des gens qui ont eu, par l'imposition des mains, le baptême du Saint-Esprit, et là, le Saint-Esprit a commencé à travailler avec eux. D'autres personnes viennent encore leur dire, hey, si vous ne vous faites pas circoncis, comme il va dire au chapitre 5 là, il va dire au chapitre 5, verset 1 à 4, il dit, voici donc ce qui est dit. Il dit que toute personne qui vous fait circoncis, Christ ne vous servira à rien. Vous êtes déchus de la grâce. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, malgré cela, on est venu pourquoi? Percuter cela avec autre doctrine. Que si vous ne faites pas circoncis selon la loi de Moïse, comme on a vu dans Actes chapitre 14, quoi? Chapitre 15, vous n'êtes pas sauvés. Et ces gens s'étaient ballottés. Et il les rappelle que quand je suis venu au milieu de vous, est-ce que c'est ce style d'enseignement qui vous a donné pour que le Saint-Esprit vienne sur vous? Vous y êtes? Dans le livre de 2 Corinthiens, il va dire qu'il s'est fait la gloire d'annoncer Christ, où Christ n'avait même pas été nommé. Donc, chaque fois qu'il allait quelque part, il allait sur un terrain vierge, il prêchait, nettoyait les gens de la. S'il fallait délivrer, on délivre. Le Saint-Esprit vient sur les gens entrent dans leur ministère, comment ils découvrent le Seigneur, c'est à quoi ils ont été appelés, même au milieu des païens. C'est pour cela qu'il désire aller à Rome pour cueillir quelques fruits pour ceux qui ne sont pas encore dans le corps de Christ, parce qu'il sait qu'il y a des élus là-bas. Parce qu'il dit au verset 4 de chez Romains chapitre 1 là, qu'il a reçu la grâce de l'apostolat d'amener aux païens, à l'obéissant à la foi au Seigneur Jésus-Christ, les païens. Vous voyez? Donc il y a les païens qui se trouvent là-bas, qui sont censés être par prédestination dans le corps de Christ. Cela, il faut qu'ils les retrouvent. Dans le livre de Tite chapitre 1, il dit Paul, appelé à être apôtre par Jésus-Christ, il dit, pour la foi des élus de Dieu. Pour la foi des élus de Dieu. Il est apôtre pour la foi des élus de Dieu. Amen. Amen. En fait, c'est un peu comme toi, frère Junior. Bonne soirée. Alors, le frère Tabi pose la continuation avec ta question ici. Continuons ta question. Regardons ici. Je peux juste encore. Frère, j'ai une question encore. Oui, pose la question. Mm-hmm. Vous voyez comment la sœur Ami veut me poser sur la tête ici. Oui, vas-y, parle, ma sœur. Toujours dans le même contexte. Hein. Donc, ok. Il a imposé les mains pour donner le don du Saint-Esprit et pour machin. Ok, est-ce qu'aujourd'hui, ça peut encore se faire? Parce que moi, je n'ai pas fait les dénominations, mais quand j'entends dans les enseignements, on dit on ne reçoit pas le Saint-Esprit par l'imposition des mains, ou parce qu'il y a plein de je veux dire, plein de distributions de faux Saint-Esprit, en fait. Bonne question. Ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ça question. Se fait encore par des vrais serviteurs de Dieu? Ça peut encore se faire? Le ministère d'imposition de même pour le Saint-Esprit, dans la Bible nous présente que ce sont les apôtres et les prophètes. Donc, c'est ce que je veux bien dire, c'est comme un peu le frère Junior, ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est que quoi que ce soit, on a envoyé ces sommes persécutées ici. Donc, vous voyez, je suis en train de vous montrer quelque chose dans la Bible. Regardez très attentivement, vous allez remarquer que c'est que la Bible dit, c'est pour ça que vous allez voir chaque fois, il y a toujours ces perversions-ci. Ce que la Bible enseigne et ce qu'on fait ici, c'est différent. Vous allez aller dans un lieu, on dit, les nouveaux venus, mettez-vous ici. On vous donne les cours basiques et puis on dit que commencez à ouvrir la bouche par la foi, commencez à parler en langue. Ça n'a rien à voir avec ce que la Bible est en train de parler. La première chose à faire, c'est que vous devez comprendre que, je crois que si vous permettez, il faut que je parte de ce sujet-ci et on revient. On peut voir ce sujet-ci. Allons-y. Merci, Père. Merci. Donc, je crois que c'est de ça dont on va parler ce soir. Matthieu, chapitre 28. Merci Père. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, gardez-vous à l'esprit que chaque fois il y aura une contrefaçon. Et la contrefaçon doit se faire parce qu'il y a un modèle qui est établi. D'accord? Pour donc comprendre, allons à la base. On va à la base, on va voir un sujet. Mais au préalable, donc. Je vais d'abord expliquer quelque chose. La question de la sœur nous pose donc une problématique aujourd'hui de l'annonce de l'évangile. Vous savez, plusieurs fois dans les enseignements, je dis par exemple que si tu n'as pas été appelé à faire ces choses, on a comme impression que les gens ont tellement pitié de Dieu, comme si Dieu avait tellement besoin des hommes pour faire son œuvre au point où ils ne savent même pas comment faire. C'est-à-dire que comme si Dieu est dépassé, les gens sont en train de mourir tellement que si on ne fait pas quelque chose pour Dieu, Dieu est fâché. Il faut qu'on arrête ces choses-là. Je crois que le moment est arrivé. Il faut qu'on corrige la chose, d'accord? Maintenant, je vais aller doucement. Quand Jésus est venu sur la terre, regardez très attentivement qu'il est né. Il a dû entrer dans la patience. La patience, il a dû faire 9 mois dans le ventre de sa maman, n'est-ce pas, frère et soeur? La soeur Amiri. Durant ces 9 mois, les gens mouraient sur la terre, oui ou non? Oui, les gens mouraient. Il était venu pour sauver, non? quand il grandissait, il a passé un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à environ 30 ans, n'est-ce pas? Oui. Durant ces moments-là, il y avait des malades sur la terre, les estropiés, des gens qui mouraient même en se voisinant, on pleurait, peut-être il allait au deuil manger aussi, faisait aussi la collation, n'est-ce pas? Il a fallu que Jean-Baptiste se présente. La Bible déclare dans Luc chapitre 3 que le Seigneur Jésus-Christ avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, était comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de ceci, fils de ceci, fils d'ici, dans cette généalogie-là, n'est-ce pas? Donc, étant même dans la chair, le Créateur étant venu dans la chair, a dû patienter environ 30 ans pour commencer le ministère. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, si on était né, si les gens d'aujourd'hui qui comprennent l'évangile aujourd'hui avaient été au temps de Jésus, ils devaient même chasser Joseph et Marie de sortir aller évangéliser. Parce qu'on disait d'eux, et nous avons lu ça tout à l'heure dans le livre de Luc au chapitre 2, la Bible déclare qu'ayant venant dans le temple pour présenter l'enfant Jésus, Simon est venu dire que cet enfant s'est destiné à amener la chute et le roulement de plusieurs en Israël et être un sujet de scandale et de discorde. Et se tourne vers sa maman en disant, toi également, une épée va te traverser le cœur, dans ton âme va te briser l'âme, afin que les pensées des cœurs de plusieurs personnes soient dévoilées. Ceux-là ne sont pas sortis pour aller annoncer que wow, le Messie est né, chez nous que ça se trouve. Mais les gens d'aujourd'hui sont devenus d'autant plus sages que le Saint-Esprit, au point où il part chercher même le brebis qui n'appartient pas au Seigneur, il fait le force pour faire entrer. Maintenant, il dit, il veut aller vraiment doucement. Jésus a dû donc patienter près de 30 ans pour commencer le ministère. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts avant, c'est entre ses mains. Tous ceux qui sont en pays, c'est lui le Créateur, n'est-ce pas? Maintenant, dans Éphésiens chapitre 1, si vous lisez à partir du verset 9 et suivant, la Bible déclare que mais lorsque les temps ont été accomplis, vous voyez, il y avait un temps marqué où il devait rétablir toutes choses sous Christ. Il devait soumettre sur Christ la réconciliation. Alors, lorsque Christ naît, lorsqu'il commence son ministère, il va doucement. Il prend les gens, le temps de parler seul à seul d'abord avec des gens. Les gens le cafouillent, même dans sa propre famille, on le rejette. Mais pendant ce temps-là, les gens grandissent, les gens meurent tout autour de lui. À un moment donné, Luc chapitre 6 nous présente qu'il est allé sur la montagne, il est descendu, parmi ses disciples, il a choisi seulement 12. Si c'est aujourd'hui, les pasteurs de l'église disent, vous êtes déjà 100, que chacun parte 2 à 2 dans tous les quartiers, tout le monde sort. N'est-ce pas terrible de voir ces choses présentées dans les Écritures et nous faisons autre chose aujourd'hui? C'est vraiment terrible. Il dit bien, Jésus, Luc chapitre 6, Luc chapitre 6, c'est quand même terrible. Vous y êtes? Oui. Regardons le verset 12. Et rapidement, là, parce que ça commence à me prendre là maintenant. Il faut que je parle rapidement. Regardez. En ce temps-là, au verset 12 de Luc, chapitre 6. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour apparut, il appela ses disciples. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, le pluriel. Il appela ses disciples. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Vous y êtes? Oui. Remarquez. Il y en avait plusieurs disciples. Il en a choisi combien? 12. Et c'est avec ces 12-là qui sera très proche de lui. Il va lui donner certains secrets du royaume. Et même parmi les 12, il va encore choisir 3. Jacques, vous voyez, Jean et Pierre, que lorsqu'il y a le conseil secret, il va dans le secret chaque fois avec ces 3-là. Maintenant, je suis en train de dire ceci. Regardez très attentivement maintenant avec ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que quand un pasteur a derrière son assemblée et qu'il voit qu'il y a 100 personnes, il envoie tout le monde dehors. C'est pour ça qu'on peut envoyer les jeunes enfants, envoyer les femmes dehors, envoyer tout le monde dehors. Parce que la moisson est grande. Au chapitre 10, alors au chapitre 10, chapitre 10, c'est le même livre de Luc. Regardez encore. Plusieurs années vont traverser. Et le verset 1 dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il ne les a pas envoyés n'importe où. Les villes où les gens devaient traverser, c'est là où ils devaient aller. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne les a pas allés en désordre. Okay. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La question maintenant devrait se poser. Et à partir d'ici, il y a des centaines et des centaines des ouvriers, des disciples. Où est effectivement, ces versets veulent montrer que tous les ouvriers, enfin, tous les disciples ne sont pas les ouvriers à la moisson. C'est pas ça, c'est ça. C'est choquant, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Tous les disciples ne sont pas les ouvriers à la moisson. Parce qu'ils sont nombreux, mais ils choisissent seulement 70. Initialement, ils choisissent 12%. Ils sont versés au flanc de la montagne là-bas. Ils passent, ils choisissent, ils choisissent 12. Ils disent, suivez-moi. Mais les autres sont ses disciples, mais ne sont pas ses apôtres. Donc ceux-ci, il peut leur donner des recommandations d'aller faire tel ou tel chemin, mais ceux-là ne font pas. Cela dit, il dit suivez-moi. Alors ici, il leur dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Puis il dit priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Ces choses-là, ces paroles-là comprises, devraient régler beaucoup de problèmes aujourd'hui. Nous aimons tellement les choses de Dieu, entre guillemets. Nous aimons tellement plaire à Dieu, au entre guillemets, enfin, je voulais dire notre entreprise et notre forum que nous voulons créer, au point où nous voulons faire des choses pour Dieu. Ici, Dieu lui dit que c'est lui qui doit envoyer des ouvriers à sa moisson. Dans le livre des Jean, au chapitre 15, le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi et afin que vous alliez, que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Donc, si quelqu'un n'est pas choisi par le Seigneur, établi par lui, envoyé par lui, il ne portera aucun fruit pour lui. Donc, parce qu'il ne le connaît pas. Donc, les versets là que nous venons de lire montrent que c'est lui qui fait le choix. C'est lui qui envoie. Et il sait où il les envoie. Parce que les 70, il ne les a pas envoyés dans le désordre. Il les a envoyés dans les vides dans lesquels il devait lui-même traverser. Maintenant, quand il envoie ceux-là, et au verset 17, non, ils vont rentrer. Maintenant, il dit, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et c'est il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais de ce que vos noms soient écrits dans le livre. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est au niveau de qui, à qui appartient la moisson. Si la moisson appartient au Seigneur, est-ce qu'il connaît ceux qui sont dans cette moisson? Ça, c'est un. Si c'est oui, alors il connaît exactement où il envoie quelqu'un pour aller choisir. Un exemple nous est donné dans l'Acte des Apôtres, chapitre 8. La Bible déclare, lorsqu'il y avait une persécution à la suite de la mort du frère Étienne, les disciples seront dispersés. Et là, l'évangéliste Philippe va descendre dans le village de la Samarie pour annoncer l'évangile. À cet instant-là, l'ange, Dieu va là-bas, dit, descendre sur la route de Gaza, la route qui est déserte, celle qui est déserte, et Azot là-bas, et allons-y. Quand il est allé, il y avait cet unique Éthiopien là qui rentrait justement de Jérusalem pour adorer. N'est-ce pas, ma soeur? La Bible déclare qu'il y avait Jean-Pierre et Jacques qui étaient les gars comme les colonnes de l'église de Jérusalem. Savait-il qu'il y avait un monsieur là-bas qui devrait être sauvé, qui venait de l'Éthiopie? Non. Mais le destinataire, celui qui a l'œuvre, qui a les brebis, celui à qui les brebis appartiennent, savait qu'il était là-bas. Il les a envoyés. S'il fallait faire les campagnes d'évangélisation porte à porte, est-ce que les apôtres pouvaient savoir qu'il y avait un monsieur là-bas qu'on appelle Corneille? Non. On devait d'abord dire que Corneille, c'est un militaire. Ce sont les gens qui ont tapé Jésus. Point de salut pour eux, n'est-ce pas, mon frère? Mais cette famille-là devrait être sauvée. Dieu connaît les siens. Il connaît Amen. Ceux qui sont destinés pour le salut. Et donc, il envoie, comme la Bible déclare dans ce petit chapitre 1, là, le verset 1, où l'apôtre Paul se présente comme étant apôtre de Dieu, de Jésus-Christ, appelé par Dieu, pour il dit, pour la foi des élus. Voilà comment il se présente là-bas, pour la foi des élus, dans le verset 1 du petit chapitre 1. Et donc, quand il part quelque part, il sait exactement qu'il y a ses enfants ou bien il n'y a pas ses enfants. Notez Actes des Apôtres, chapitre 15, chapitre 16, on va y revenir tout à l'heure, on va y revenir. Actes des Apôtres, chapitre 15 et chapitre 16. Notez également 1 Thessaloniciens chapitre 2 et chapitre 3. On va y revenir également. Alors, ce que notre soeur en a déposé comme question pose la problématique aujourd'hui parce qu'elle dit que, ok, nous on entend ces choses-là dans les dénominations aujourd'hui où on dit qu'on prie que les gens reçoivent le Saint-Esprit au point où tout le monde reçoit le Saint-Esprit. Vous parlez de tout le monde reçoit le Saint-Esprit. Notez Galates chapitre 4, verset 6 et 7. Galates chapitre 4, verset 6 et 7. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Voilà. Il peut avancer maintenant. Donc, je résume encore avant d'avancer. Jésus vient sur la terre. Tout dans la nature nous présente la patience que Dieu fait sur choses en son temps. Et on connaît, tout le monde connaît cela. Vous plantez la semence de maïs au sol, même si vous voulez le maïs dans les heures qui suivent, vous n'aurez pas le maïs. Vous allez sauf qu'à attendre le temps que les semences de maïs durent. À moins que vous mettez vos plantes bizarres que vous mettez en Europe là pour que ça pousse, ça devienne beau, pour vous donner le diabète. C'est seulement la seule condition. Maintenant, lorsque on est patient, on voit effectivement que chaque semence produit les semences, les fruits en son temps. Le Seigneur Jésus-Christ va dire dans celui de Luc également, dans les paraboles des quatre terres, il va dire le royaume des cieux est semblable à une semence qu'on met dans la terre. Qu'on veille ou qu'on ne veille pas, cela ne dépend plus de nous. Ça pousse encore, on ne sait comment, n'est-ce pas? Alors, donc, il y a la patience et la persévérance. Dieu fait les choses selon ses époques et selon son temps à lui. Et donc, Jésus vient dans la chair, il fait la même chose. Il se soumet à la loi qui est sous le soleil, que chaque chose sous le soleil a un temps. Il y a un temps pour naître, un temps pour grandir. Il a dû passer ce temps-là pour entrer dans le ministère. Lorsque le ministère a commencé, il a fait exactement, il allait où le Père disait. Dans le livre de Luc, dans le livre de Jean, chapitre 5, il dit que le Fils ne peut rien faire sans voir au préalable le Père faire. Donc, si le Père guérit, il guérit. Si le Père délivre, il délivre. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'il voit d'abord en vision que le miracle s'est accompli avant de le faire. sais pas si vous saisissez. Ok. Donc maintenant, petit à petit, il s'est choisi les disciples qui sont là. Mais le plus grave, c'est que il y a plusieurs personnes qui sont accessibles à lui, qui pourraient l'aider à sa tâche. Je ne sais pas si vous comprenez. Il en choisit seulement 12. Lorsqu'il progresse, parce qu'il va entrer dans d'autres villages, il choisit encore 70, il les envoie. Et remarquez très bien que les 70 n'ont pas été intégrés aux colonnes de 12. Les 12 sont restés comme noyaux. Parce qu'après, il y aura la dispersion par la suite. Les 12 vont toujours rester. Et un moment donné, encore plus grave, encore dans Jean chapitre 6, quand il va arriver au sommet de son ministère, où il va dire, où il dit, il ne prie pas les gens vont partir de son ministère, de son service. Il va me demander aux 12, quand vous-même, vous ne partez pas. Voilà quelqu'un qui est censé sauver les gens sur la terre. Les gens sont là pour l'aider, il les chasse seulement. Il dit, vous-même, vous ne venez pas, si vous voulez partir, partez. Donc, Dieu n'a pas besoin de grand nombre, de beaucoup de personnes pour sauver les gens. Comme les gens disent aux gens que sortez, les gens périssent, il n'en a pas besoin. Maintenant, à la sortie donc du ministère, à la sortie de son ministère terrestre, on se retrouve à l'Antipode, au chapitre 24, où il va les dire clairement, à partir de verset 49 et 50, 51 et 52, que ne partez pas loin, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père envoie ce qu'il a promis. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, vous soyez imbibé de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Dans Acte chapitre 1, il réitère la même chose que attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Maintenant, vous avez remarqué encore une fois de plus que lorsque les disciples vont attendre, Acte chapitre 1, verset 14, ils vont se réunir là-bas, ils vont persévérer dans la prière. Il y avait les femmes là-bas. Les femmes également vont recevoir le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit que les hommes vont recevoir. C'est là où nous parlons du témoignage maintenant du Seigneur Jésus-Christ. Les femmes vont recevoir le même Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit bleu, l'autre rouge. Ou le Saint-Esprit plus puissant que l'autre. C'est le même Saint-Esprit. Mais le témoignage du Seigneur Jésus-Christ dans les ténèbres, c'est un ministère de puissance et d'autorité qui est donné aux hommes. Amen. Vous voyez, c'est attaché au ministère des hommes. Et là, maintenant, vous allez voir que le témoignage extérieur, maintenant, pour aller de lieu en lieu témoigner, c'est même pas que c'est pour tous les hommes. C'est pas le fait que tous les hommes qui ont reçu le Saint-Esprit ne sortaient pas aussi pour aller témoigner. La preuve en est qu'avec ces mêmes disciples-là, il y a des gens qui sont spécifiquement envoyés. L'apôtre Paul va dire donc dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 13, donc là, qu'il ne dépasse pas la limite. Parce que Dieu a fixé les limites pour chaque personne. Vous voyez, donc ça, il y a, chaque personne a sa limite. Et il dit au verset 18 que, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a prouvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc Dieu doit recommander quelqu'un quelque part, assigner une tâche quelque part. Il dit que nous ne dépassons pas notre limite. Donc chaque personne a sa limite. Vous voyez, et dans le chapitre Galates chapitre 1 et chapitre 2, la Bible déclare que quand ils vont comparer les ministères, ils vont voir effectivement la même chose. On dit qu'ils vont se donner le même d'association afin que ceux-là vont chez les Juifs et eux, ils partent chez les païens. Parce qu'ils comprennent que c'est le même ministère, mais chacun a son orientation. C'est pas ce qu'on comprend. Aujourd'hui, maintenant, vous voyez, vous allez au Nigeria, quelqu'un construit sa dénomination quelque part, il met le baffle, l'autre achète le baffle 500 watts. L'autre dit non, tu veux faire le bruit, tu veux montrer que tu fais le bruit. L'autre achète alors 4 baffles, il met dehors, il l'oriente vers les autres. Voilà les choses que nous avons aujourd'hui. Maintenant, allons dans le livre de Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Que le Seigneur vous bénisse vraiment pour cette œuvre. Amen. Oui. Matthieu chapitre 28. Le verset qu'on connaît vraiment. Pas du verset 19. Voilà. Vous voyez, vous voyez que vous m'y connaissez, non? Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Et si je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Voilà. Ma soeur Annie lit également. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on va voir ce soir le sujet d'annonce de la bonne nouvelle dans les nations. Oui. Annoncer la bonne nouvelle dans les nations. Voilà le sujet. Donc, que veut dire donc annoncer cette bonne nouvelle dans les nations? Vous voyez, s'il y a donc un verset donc mal compris et très bien exploité pour exploiter les gens, afin de l'exploiter ces gens-là pour qu'on construise les bases des Guantanamo chrétiens sur la terre, le voici. On appelle donc cela la grande commission. Et donc, ce qu'on voit maintenant aujourd'hui, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que quand on dit que non, le premier, quand tu es chrétien, ton premier devoir, c'est d'aller sauver les gens. Il n'y a pas un seul verset comme ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On n'a pas écrit dans la Bible que ton premier verset, que non, non, non. Sinon, il faut sauver ton voisin. Ton Jérusalem, c'est ton voisin. Ton voisin. Sauver. Que sauver. Alors, remarquez très attentivement ces pasteurs qui disent comme ça. Si les femmes sont sauvées, si lui-même est sauvé, si sa maman est sauvée, sa maman peut-être c'est un ancien sorcier qu'on a déjà tapé à Abidjan. Vous allez remarquer très attentivement que ce qu'ils disent, c'est pas, ça ne peut pas être chérieux. Remarquez si leur propre frère, si dans sa propre famille, on le reconnaît. Mais ils vous disent que votre Jérusalem, c'est votre maison. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas. On ne peut pas forcer quelqu'un d'être sauvé. Enfin, même si vous établissez que la vérité est claire comme ça pour tout le monde. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné. Amen. Ça doit lui avoir été donné de venir à Jésus. C'est pas comme ça. Tout ce que tu vas parler, t'as pas. L'hiver va venir, l'été va venir, le printemps va venir. Vous allez continuer comme ça là. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Puisque la Bible déclare clairement dans le livre de Matthieu, dans ce Matthieu chapitre 27, que quand Jésus est ressuscité, les soldats qui gardaient le temple, quoi, le tombeau, sont tombés raides morts avec la puissance de l'ange qui est descendu. Mais jusque là, les gens sont venus dire que on va te donner l'argent. Allez dire que ce sont les disciples qui sont venus voler le corps. Pourtant qu'un événement surnaturel s'est passé, les êtres humains sont toujours allés prendre l'argent pour aller mentir, malgré que les êtres humains... Ah mon frère. Donc il y a des gens que même s'ils voient Jésus physiquement dans la maison comme ça, on dit que le Seigneur est venu là-bas. Il va dire que non, laisse-moi l'histoire là, c'était l'illusion. Tu es sûr que c'était vrai, peut-être tu as eu une illusion. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont destinés pour la vie éternelle. Et des autres que même si tu ne tiens même pas la main pour entrer, il va refuser d'entrer. Voilà. Il y a même un garçon qui m'avait dit que mon frère, vous voyez comment quelqu'un reste tranquille en train de méditer, il dit frère Junior, il dit oui. Il dit que mince, j'aimerais aller en enfer. Je suis étonné, il dit mais. Et pourquoi? Il dit que là-bas, il y aura Michael Jackson, il y aura Shakira, il y aura les grands là-bas, il y aura le concert grave là-bas. Donc, ouais, pourquoi lui veut aller en enfer? Il dit qu'il sera bien en enfer parce que là-bas, on va voir un spectacle gratuit. Il ne connaît pas l'autre aspect des tourments. Alors, rentrons dans notre Matthieu chapitre 28. La Bible déclare ici, allez, faites de toutes les nations des disciples. On va rester sur le bout de cette phrase-là que le Seigneur dit. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Soulignez toutes les nations d'abord. Donc, la sœur, je veux que je sois en entrée pour éclaircir et éclater ta question dans le sens large du thème, d'accord? Parce que ce n'est pas seulement le fait que je voulais établir d'une part que les gens doivent être envoyés. Et quand ils sont commissionnés, chacun a son rôle. Ce n'est pas tous les apôtres qui imposent les mains aux gens pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Vous n'avez pas jamais vu l'apôtre Barnabas faire ces choses-là. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ça se pose qu'il y a des gens à qui c'est destiné. Voilà. Lorsque l'apôtre Paul faisait les miracles, l'apôtre Barnabas était là. L'apôtre Barnabas était là. On dit que c'est l'apôtre Paul qui portait parole. Il était le porte-parole, il était le prophète. Vous voyez? Mais ils étaient ensemble. Mais il était aussi apôtre. Mais lorsque l'apôtre Barnabas Paul ne sera pas là, Barnabas va passer pour exhorter. On l'appelle fils de l'exhortation. Voilà. Alors, vous avez souligné toutes les nations. Maintenant, quand on lit ceci, et si vous avez fait les dénominations, on vous a certainement dit cela. Que c'est la grande commission. D'autres personnes utilisent en disant qu'il faut qu'on pas discipliner les nations. Ils paraphrasent comme ça en disant qu'on doit discipliner les nations, c'est-à-dire qu'on doit soumettre les nations sous la discipline de Christ. Lui-même était sur la terre, il a discipliné Hérode. Non. Il a discipliné Pilate. Non. Il pouvait aveugler tout le monde là pour que transmettre tout le monde dans ses clés pour qu'il croit en lui, non? Oui. Le Dieu Tout-Puissant. À une prostituée en bordure des puits, là, n'a-t-il pas dit que je le suis moi qui te parle? Oui. Au grand qui pouvait l'aider à faire sa mission, n'ont-ils pas posé la question? Dis-le nous franchement si tu es le Christ. A-t-il dit, s'est-il révélé? Non. Alors, les gens devraient comprendre la manière de Dieu d'agir. Il n'est pas là pour prouver toutes ces choses qu'il a prouvées. Il fait ces choses. Sa manière amène ceux qui sont destinés au salut à lui. Amen. Dans nos familles, ce que nous faisons, c'est que, oh, quand on a cherché le travail, ça ne donne pas. Tu entends? Yahweh, Dieu de miracle, étends ta main dans ma vie, que mes voisins voient tes miracles. Et qui loue ton Seigneur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, donne-moi le travail, ils vont voir quel Dieu je sais. Ok. S'ils voient quel Dieu je sais, tu auras eu le premier travail du monde. On va dire que même le hasard, parce qu'il y a les mondains qui sont dans les sectes qui, s'il veut aller en France, n'importe quoi, il part voir l'ambassadeur. L'ambassadeur, il a le visa, n'est-ce pas? Toi, tu pries, tu jeûnes, que Seigneur, donne-moi le visa pour qu'il sache que tu les es. Dieu n'est pas limité avec ces petites choses-là dont nous le limitons. Ça coûtait quoi à Jésus de dire à Caïphe que je suis Jésus, le fils de Dieu, et voici, il fait boum, le miracle. N'est-ce pas, les gens sont venus lui-même demander que fais-nous voir un demi miracle. Il dit que le miracle vous avait été déjà donné dans l'Ancien Testament. Je vous avais donné son miracle, c'est ça que vous allez avoir. N'est-ce pas, frère? Oui, c'est ça. C'est ça. L'apôtre Paul dit donc que les Juifs cherchent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous nous prêchons Christ crucifié. Amen. On le croit pas, il est quand même crucifié. Vous discutez pas. On a été changé en Judas. Judas a fait quoi? C'est votre problème. On a Christ crucifié. Les gens, ils croient, ils entrent. Il a plu à Christ de sauver les gens par la fruit de la prédication. Vous comprenez cela? Ça lui coûte quoi d'ouvrir le cœur des gens? Regardez encore dans chapitre 16, le cas de Lydie. Ils sont nombreux là-bas. Il ouvre seulement le cœur de Lydie. C'est seulement les gens qui sont là-bas, qui les a créés? C'est le Seigneur. Pourquoi il décide d'ouvrir seulement le cœur de Lydie? Dans chapitre 15, chapitre 16, la Bible déclare que l'apôtre Paul était en Asie. Regardez bien l'Asie. On parle de l'Asie, dans l'Asie, là-bas, dans la zone où il y a le Moyen-Orient en montant. Et il s'est disposé à entrer en misère. Le Saint-Esprit refusa. Le Saint-Esprit qui a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. N'est-ce pas? Il a dit lui-même dans Actes chapitre 13, que nous avons lu là tout à l'heure, là, que Dieu l'a destiné à porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Là, il veut entrer. Écoutez très attentivement la façon que j'en ai parlé. Il dit, Dieu a dit à l'apôtre Paul que j'étais appelé pour le salut, pour que tu portes le salut aux extrémités de la, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour apporter la lumière aux nations. Là, il arrive quelque part, il veut entrer. Allons-y là-bas, Actes des apôtres. C'est comme ça que les gens partent, ils sortent, on vous envoie, vous sortez, vous allez chez les sorciers, vous portez les démons. Après, vous me posez la question, comment, quel est le signe de la possession? Le signe de la possession, d'abord, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Que tu sortes, tu peux faire ce que Dieu ne t'a pas demandé. Ce n'est pas la sorcellerie. Chapitre 16 des Actes des apôtres. Comme tu as demandé, c'est toi qui vas lire. Verset 4 et suivant. La soeur Amélie, lit verset 4 à 10. Oui, en passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, afin qu'on observe. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, empêchées par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Stoppons d'abord là-bas, ma soeur. Stoppons d'abord. Vous voyez que ceci, ce seul verset, si c'est un problème avec nous aujourd'hui, avec notre compréhension de Matthieu chapitre 28, n'est-ce pas? Notre texte de base de ce soir. Voici des gens, ce qui est curieux, c'est que ce sont des gens, c'est la personne particulièrement que Jésus, à qui Jésus a apparu dans Actes chapitre 9, et on a vu clairement le témoignage que le Seigneur Jésus lui a apparu, au moins c'est authentique. Et là, Jésus l'a destiné à annoncer l'évangile partout, n'est-ce pas, chez les païens. Et là, il dit clairement qu'il a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Je veux que vous m'expliquiez pourquoi le Saint-Esprit, regardez le chapitre 13. Verset 2. Chapitre 13. Chapitre 13, verset 2. Qu'est-ce que la Bible déclare? Verset 2 et 3. Can you please read? Pardon? Pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oui. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposa les mains et les laissèrent partir. Verset 4, enfin, ma soeur, écoutons bien attentivement. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alors, arrêtons-nous. Qui les a envoyés? Le Saint-Esprit. On dit clairement qu'ils sont envoyés par le Saint-Esprit. Donc, la distance, là, ils sont de partir là. Ils partent là où le Saint-Esprit a l'air de les envoyer. Or, ils étaient là-bas à Antioche. Ils servaient le Seigneur. On dit pendant qu'ils étaient dans ce service-là à Antioche, chaque jour, le Saint-Esprit dit, vous n'êtes pas fait pour être ici. Vous avez une œuvre quelque part. Vous remarquez très attentivement que ceux-là, bah, durant toutes ces années-là, ils vont se rassembler aux églises qui étaient là-bas. Ils vont enseigner chaque fois, là-bas au milieu. Ce n'est pas tout le monde qui est sorti pour aller évangéliser. Là, le Saint-Esprit a désigné clairement les deux personnes qui doivent sortir pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés, n'est-ce pas? Si c'était nous aujourd'hui, on va dire que, parce que là-bas, dans le chapitre 13, là, verset 1, on a cité beaucoup de prophètes et de docteurs là-bas. On devait dire que vous, maintenant, on est nombreux ici. Sortons chacun par péché. Il faut que les gens soient péris là-bas à la misère, à l'Istre, à Icaon, à Laconie. Allons partout prêcher. Le Saint-Esprit choisit les deux personnes qu'il a commissionnées pour cette œuvre-là. Il dit, mettez-les à part pour qu'ils partent. On les a imposés la main, ils sont descendus jusqu'à aller à l'île de Chypre. C'est là qu'ils vont transiter jusqu'à arriver au chapitre 16 ici. Ils vont vouloir aller en Asie parce que le Saint-Esprit, ils sont allés marcher sous la conduite du Saint-Esprit. Ils vont vouloir entrer en Asie, c'est là où nous trouvons au chapitre 16 que nous avons lu tout à l'heure, verset 4. Ils vont vouloir entrer en Asie là-bas, le Saint-Esprit va les empêcher d'entrer. La question que je pose, c'est, n'y a-t-il pas les gens là-bas en Asie? Si, il y a des gens en Asie. N'est-ce pas lui qui a dit, allez et pas, faites de toutes les nations des disciples? Il pose la question. Je veux que quelqu'un me donne une explication claire de pourquoi le Saint-Esprit les empêche d'aller en Asie annoncer la parole de Dieu. Certainement que le temps n'était pas encore arrivé. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Non. Que Dieu te bénisse vraiment. Alors, regardons encore le verset 6 du chapitre 16. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Donc, on n'a pas dit qu'on les a empêchés d'entrer. On dit n'annonce pas la parole là-bas. Mais maintenant, je pose la question, quand les gens disent qu'ils sortent aujourd'hui pour aller annoncer, est-ce que Dieu les a commissionnés? Un. Dieu les a commissionnés d'aller annoncer. Deux. Vous voyez le pourquoi on part gâter dans les choses de Dieu, n'est-ce pas? On crée plus de désordres. Remarquez bien, vous tout ce qui avait été dans les dénominations. Imaginez maintenant avec le renouvellement de votre intelligence et la parole que vous connaissez. Imaginez ce que vous disiez aux gens comme évangile initialement. Qu'est-ce que vous sémiez là-bas? Vous voyez? Et l'apôtre Paul dit donc que si moi-même maintenant, j'ai bâti ce que j'ai détruit, je me présente là maintenant comme un transgresseur. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas dire quelque chose et venir dire le contraire par la suite. On ne vous prend pas au sérieux. C'est pour cela qu'il a dû attendre 3 ans, plus de presque 3 ans, pour aller en Arabie, comparer, voir ces choses-là, jusqu'à ce que la vision soit claire, pour qu'il sache ce qu'il en est d'annoncer, l'apôtre Paul. Après. Vous ne savez pas combien de fois il a passé le temps dans le désert, dans la prière là-bas. Il y a encore aujourd'hui, non, il faut que j'ai un grand ministère. Juste parce que les gens qui vivent avec le songe. Oh frère, j'étais rêvé, tu as un grand ministère, tu es vu dans un grand bâtiment. Il les regarde comme ça, que vraiment, hein, que Dieu te bénisse, continue avec tes visions. Parce qu'on a la soif d'avoir les gens au-devant de nous. Les gens sont surpris, ils ne comprennent pas. La Bible déclare que l'apôtre, vous avez là, vu un bâtiment où il avait construit pour réunir les gens. Ce qu'il y avait sur la terre, le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul. Il ne construit pas un grand bâtiment pour dire non, voici son quartier général. Où il avait quitté, il sera ici, là. Il est le général Ovasia ici. Maintenant, il y a tellement, on est tellement spécial maintenant qu'on a le quartier général, le fondateur, on a des vols spéciaux qui nous transportent. C'est un grand serviteur, c'est un homme de Dieu. Hein? Il est très très loin de Dieu, vraiment très loin de Dieu, L-O-I-N. Vraiment loin de Dieu. Alors, vous voyez effectivement que s'il est loin de Dieu comme ça, là, vous ferez mieux de vous éloigner de lui aussi et vous approcher de Dieu. L'apôtre Paul et Barnabas avaient été envoyés par le Saint-Esprit. La personne qui les envoie a pour but d'aller annoncer la bonne nouvelle pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Sortez, quittez, il quitte, il part, il va aller annoncer dans cette œuvre-là, là-bas, il dit que n'entrez pas, ne parlez pas de ça là-bas. Vous voyez, c'est une mission dangereuse d'aller annoncer l'évangile sans le Saint-Esprit. En fait, ce que tu seras en train de travailler pour toi, ça ne peut pas marcher. Et donc, petit à petit, je suis m'approcher de ta question. Il y a des gens qui sont commissionnés spécialement donc pour imposer les mains. Si tu n'es pas commissionné, comme ça, tu imposes les mains, tu vas donner un autre Saint-Esprit, un autre style du Saint-Esprit. Et c'est justement ce qui est arrivé à la mission catholique. Le groupe qu'on appelle les charismatiques aujourd'hui, qui ont les bribes qui sont exactement comme les pentecôtistes, sont venus comme ça. Ils sont allés en Amérique, ils ont pris un homme qui était pieux d'apparence. Le groupe des hommes d'affaires, des pleins évangiles. On a appelé cet homme-là qu'on peut fédérer un peu. Il a pris pour nous. Il les a réunis, il a prié. Là, par le Saint-Esprit, il disait maintenant que chanter les rosaires, réciter des rosaires à l'Immaculée de Jésus. Voilà le Saint-Esprit qui s'est au milieu, qu'il a imposé les mains, c'est venu chez les catholiques. Voilà ça maintenant aujourd'hui, que c'est même la pierre de bataille contre les catholiques. Les catholiques eux-mêmes encore, les catholiques orthodoxes, n'aiment pas cela parce qu'ils disent que vous êtes très proche du pentecôtisme. Les pentecôtistes disent que non, si vous priez comme ça, mais vous parlez en langue comme ça, là, vous parlez de Marie. Alors que c'est les pentecôtistes qui ont envoyé cet esprit-là sur eux. Il leur faut la délivrance, eux tous là. Les catholiques étaient tranquillement dans leur idolatrie, ils sont venus ajouter le rrrrr sur ça. Donc, ça veut dire que si quelqu'un n'a pas été commissionné à faire ces choses-là, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en sera. Et donc là, il y a des gens qui sont destinés pour cela. il y a des gens qui sont destinés. Remarquez très attentivement encore pour que vous voyez ce qu'ils sont allés dire. Remarquez que Actes des Apôtres, chapitre 8, nous dit clairement que Philippe est descendu, il a prêché, il a délivré les gens. Le même Saint-Esprit qui était celui qui coopérait les miracles, il n'a pas prié pour les gens, pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Il a fallu que l'apôtre Jean et Pierre descendent de Jérusalem. C'est eux qui imposaient les mains et les gens recevaient le Saint-Esprit. Ça ne vous fait absolument rien, frère, de voir cette chose-ci? C'est terrible. C'est terrible le jugement. Donc chaque pasteur dit maintenant que venez et prie pour vous pour le Saint-Esprit. Si vous le Saint-Esprit, venez et prie pour vous. Le pasteur. Le pasteur. Le problème, c'est l'émotion. Entre l'émotion et le Saint-Esprit. Église du Seigneur Jésus-Christ. Voici les garde-fous. Il a dit. Surtout... Comment, ma soeur? Non, rien à passer. Il a dit le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Les modèles sont mis ici. Alors donc, rentrons dans notre Matthieu, qui est notre texte de base. Je crois que désormais, mes navires m'ont baladé en vous disant, citant les Écritures. Mais je voulais que vous voyez. Je voulais que vous voyez quoi. C'est Actes des Apôtres, où la Bible déclare que le Saint-Esprit a empêché clairement d'annoncer l'évangile. Plus tard, au-delà de ces versets, ils vont aussi arriver maintenant à Éphèse. Ils vont vouloir entrer. Le Saint-Esprit va refuser. On dit l'Esprit de Jésus-Christ les a résistés d'entrer là-bas. Et c'est à ces Éphèses-là qu'il va venir plus tard. Ils vont croire et ils vont entrer dans une bataille spirituelle au point où il va les expliquer même ce qui se passe au-dessus d'eux ou le simulacre qui est tombé de la grande déesse Diane. Dans le chapitre 6, il dit que nous, au-dessus de nous se trouvent des divinités, des esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc plus tard, ils vont croire et ils vont entrer dans une dimension spirituelle plus que les Corinthiens. Ah mon Dieu. Rendons dans Matthieu chapitre 28. Donc, si on vous a dit que si vous croyez, votre première mission c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle aux croyants, aux incroyants, sachez qu'on vous a trompé parce que ce n'est pas ce que Dieu dit dans la Bible. Si vous lisez Matthieu chapitre 6 et chapitre 7 particulièrement, vous allez voir dans chapitre 6, verset 7, 6 et 7, le Seigneur Jésus-Christ dit que comment peux-tu dire que tu ôtes le quoi? Que laisse-moi ôter la poutre, la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même tu as la poutre dans ton œil. Il a dit hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, alors tu pourras voir la paille qui est dans l'œil de ton frère. On se dit chrétien. Les mêmes choses que les païens, on reproche les païens, ça se trouve chez nous. Et Dieu qui peut leur annoncer que non, Dieu qui peut t'affranchir. Toi-même, tu n'es pas affranchi. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère? C'est pas l'hypocrisie, ça? Oui. Matthieu, chapitre 28, donc. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je vais demander que vous souligniez toutes les nations, n'est-ce pas? Donc, les autres personnes disent maintenant que Jésus dit en train de dire, allez et disciplinez toutes les nations. Si c'est comme ça que Jésus en a dit, si c'est ce que Jésus en a dit, c'est que le premier échoué, c'est lui. Et qu'aucun des disciples qu'il a et qu'il a formé lui-même en laissant n'a jamais rien fait de pareil. Et que l'apôtre Paul qui avait reçu la commission chez les disciples, chez les nations, a échoué. Définitivement, personne n'a fait la volonté de Dieu. Parce que si c'est ça, si c'est ce qu'on a d'entendre là, qu'il a en train de dire que toutes les nations doivent être ses disciples, c'est qu'alors la première personne à échouer, c'est lui. Dans le livre de Luc au chapitre 10, chapitre 19, si vous lisez les versets 1 à 10, et au chapitre 13, versets 1 à 10, encore une fois de plus, j'explique d'abord ce qui s'est passé dans le chapitre 13. Vous allez remarquer au chapitre 13, il va être dans la synagogue, dans l'une des synagogues des Juifs, il se rend en annonçant la parole de Dieu. On dit là, se trouvait dans cette synagogue-là une femme qui avait une bosse sur le dos, et qu'elle était couvée de l'infirmité. Il l'a placée là-bas, il a posé la question, est-il bien défait le bien des jours du sabbat? Et puis il a imposé la main là-bas. Les gens étaient jaloux. Et il leur a dit que cette fille aussi était une fille d'Abraham. Et Satan l'a tenue captive depuis 18 ans. Vous me suivez? Comment il peut dire à cette femme-là que cette femme était une fille d'Abraham? Pourtant, il y avait tout le monde là-bas. C'est les descendants d'Abraham. Dans le chapitre 19, donc, il va trouver Zachée là-bas. Et Zachée, il va dire que Zachée descend. C'est chez toi qui vais manger aujourd'hui. Il va te passer le temps aujourd'hui. Là-bas, au milieu, Zachée va se lever au milieu de la foule du Seigneur. Je partage la moitié. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et s'il a fait du tort à quelqu'un, je rends au quadruple. Jésus dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Quand il est un fils d'Abraham, et qu'il y a les pharisiens là-bas qui les appellent race des vipères, et que tous sont descendants d'Abraham, ne comprenez-vous? Et il dit que car le fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Il est venu sauver ce qui était perdu. Qui était plus perdu que les pharisiens? S'il y a quelqu'un qui était plus perdu, ce n'était pas les pharisiens là. Si. Et il dit que le fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Donc, quoi, le publicain Zachée est plus perdu que les Sadducéens et autres là-bas. Mais vous voyez effectivement qu'il a perdu et perdu. Mais il est venu sauver ceux de lui. Souvenez-vous de ce livre de Luc au chapitre 17, chapitre 15, essai, où il a dit quel est cet homme qui, ce berger qui, s'il a 100 brebis et qu'il en égare une autre, ne laisse les 99 sur la montagne et pas chercher celle qui est perdue. Il pas chercher une seule brebis pour venir compléter sur les 100. Où est-ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc il vient chercher les brebis, ces brebis qui étaient égarées. Il vient les demander d'entrer. Il vient d'entrer. Et partout il passe, il les retrouve. Donc les choses de Dieu sont tellement simples que si on le laisse faire, c'est lui qui fait les choses. Vous avez remarqué que ceux qui sont appelés à cette œuvre-ci doivent comprendre même ce que je suis en train de dire. On ne se lève pas un des quatre matins qui m'en va à des portes en porte, porte en porte. Vous allez toquer une porte, vous allez entrer quelque part, vous allez entrer chez le Gawaout, vous allez voir ce qu'il en est. Comme le témoin, je vais dire que le témoin, je vois qu'on va de porte en porte pour annoncer l'évangile. Vous prenez votre modèle d'annoncer l'évangile là-haut. Il dit dans Matthieu chapitre, dans Luc chapitre 10. Dans Luc chapitre 10, on a lu là-bas que c'est des, Jésus a envoyé les 10 d'aller dans les villes où il devait, dans les villes où il allait, où il devait même aller. Il a dit n'allez pas de maison en maison. Quand vous allez aller dans une ville, restez-y. Et sortez pour aller annoncer maintenant partout. Et ils ont établi leur règle maintenant qu'on part de deux à deux pour aller m'annoncer. Et les femmes sont parmi eux. Tu demandes, est-ce que cette femme-ci a cru? On dit non. Qu'elle soit un prédicateur non baptisé. Prédicateur non baptisé. Voilà autant de choses qui se trouvent au milieu chrétien. Et cet enfant-ci, il dit que non, c'est un proposant croyant. Donc il se propose à croire plus tard. Voilà ce qu'on en trouve au milieu chrétien aujourd'hui. Quelqu'un sort avec ses enfants pour aller annoncer. Alors annoncer. Les enfants partent, on les lance la possession. Alors, il faut qu'on se repente. Il faut qu'on se repente. On laisse Dieu faire. La Bible nous montre que Dieu a ses brebis. Il a les gens qu'il a envoyés. Et il les envoie aller amener ses brebis à lui. Et ils vont les retrouver, toujours. Amen. Amen. Alors, maintenant, toutes les nations. Allons dans, rentrons dans le livre de Romains où nous avons lu aujourd'hui, chapitre 1, là. Souvenez-vous, gardez le doigt ici, on y revient. Notez Romains chapitre 1 justement, et puis notez chapitre 11 de Romains également. Vous y êtes? La sœur Amélie, tu peux nous lire le verset 4 et 5, 3, 4 et 5. C'est vrai que c'est quand même décousu, mais lis comme ça. Verset 4 et 5. Il concerne son fils. Et de la descendance de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit Saint, de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Oui. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom l'obéissance de la foi de toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui êtes appelés par Jésus-Christ. Relis encore le verset 5. Le verset 5, relis encore dans ta version. Viens entendre ce qu'on dit là-bas. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Voilà, toutes les nations. Souligne. Pour ramener à l'obéissance en son nom toutes les nations, souligne ça. Et puis vous demandez quelque chose. La sœur Reine, lit le même verset, verset 5. Allons-y. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Voilà. La sœur Amie, puisque c'est toi qui as lu en premier, je veux que tu m'expliques, si tu lis ces versets, si, ne connaissant pas la Bible, qu'est-ce que tu comprends? Essaie d'expliquer ce que tu comprends, voir. Prêcher la parole à toutes les nations. Non, ici c'est pas prêcher. Regarde bien. Non, faire obéir les commandements. Pour qui, à qui ça? Regarde bien ce que tu as souligné. Obéissance de la foi. Non, tu as sauté. Après apostolat, regarde bien à partir de là. Pour amener à son nom l'obéissance de la foi toutes les nations. Donc en clair, on peut lire pour amener en son nom à l'obéissance. On peut laisser en son nom à l'obéissance. On dit pour amener de la foi tous les païens. Oui, on peut dire pour amener tous les païens à l'obéissance en son nom. À Jésus-Christ. Exactement. Donc on peut dire, ils ont reçu l'apostolat, la grâce et l'apostolat pour amener tous les païens en l'obéissance. Là, le Seigneur, n'est-ce pas? Et dans ta version, enfin, les païens, ce sont les nations. Ok, maintenant. Oui. Ça veut dire que l'apôtre Paul était censé faire quoi? Prêcher à toutes les nations. Non, pas prêcher. Prêcher n'est pas le problème. Non. Ici, c'est pas le prêcher. Amener toutes les nations à l'obéissance. À l'obéissance. Dans la foi, n'est-ce pas? Donc, quand on lit ceci, effectivement, si vous ne comprenez pas, je suis en train de vous dire qu'on parle de ces Matthieu chapitre 28, là, que les gens ne comprennent pas, pour montrer que ce langage-là est dans la Bible partout. L'apôtre Paul explique ici qu'ils ont eu la grâce et l'apostolat d'amener à l'obéissance à la foi, c'est-à-dire que d'amener tous les païens, dans ta version et dans l'autre version, toutes les nations à l'obéissance à Jésus. C'est comme si Jésus leur a dit, allez faire que toutes les nations m'obéissent. En fait, c'est ce qu'il veut dire là. Si on regarde littéralement. L'apostolat que vous avez reçu, c'est que toutes les nations obéissent au Seigneur Jésus. Et c'est ce que les gens comprennent dans Matthieu chapitre 28. Maintenant, allons au chapitre 11. Allons au chapitre 11. Voyons ici. Chapitre 11, c'est le même livre. Que Dieu vous bénisse. C'est fort comment, ma soeur? C'est fort encore. Vous y êtes? Lisons le verset 25 particulièrement. Allons-y. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce ministère, afin que ne vous regardiez point. Mystère. Ah, pardon. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Vous avez entendu? Amen. Vous avez entendu, non? Mm-hmm. Donc, une partie d'Israël a été endurcie pour permettre que l'évangile vienne chez les nations, pour qu'on cherche chez les nations et que tous ceux qui étaient destinés dans chez les nations là puissent entrer. Et, mais ici, l'apôtre Paul dit, le langage qu'il utilise, c'est que jusqu'à ce que la totalité des païens. Vous avez vu cela? Vous avez mis le mot totalité des païens. S'il met tous les païens, c'est comme s'il va dire que tous les gens du monde doivent devoir être sauvés. N'est-ce pas, mes chers? Il dit que jusqu'à ce que toute la totalité des païens. Maintenant, allons dans Actes chapitre 2, le premier décret, la première prédication de l'Église. Allons d'abord là-bas. Actes des Apôtres chapitre 2. Suivez attentivement, je vais lire, d'accord? Actes des Apôtres, verset 37. Prêtez attention parce que je veux vraiment lire dans ma version, d'accord? Après avoir entendu ce discours, verset 37, tout le monde dit, au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils disent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est... Car la promesse est pour tout le monde. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Tout le monde acceptait sa parole et il fut baptisé. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans les temps. Non. Non, frère, c'est pas ça. Attends, la sœur reine. C'est la même version. Non. La sœur amie, c'est la même version. C'est pas ce que tu as sur toi. C'est la même chose, non? C'est pas très bien suivi, frère. Ok. Verset 38 encore, je reprends. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour tout le monde. Verset 40. Oui, c'est ça. C'est ça, vraiment, c'est ça. Oui. Car la promesse est pour tout le monde. Verset 40. Comment encore? Il a dit la promesse est pour tout le monde. Non. Non, comment? C'est pas ta version aussi? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. La promesse là pour toi, chez toi, c'est quoi? Pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, la promesse, ce n'est pas pour tout le monde en réalité, mais c'est en aussi grand nombre. Il y a un grand nombre de personnes, mais selon que Dieu les appelle, les appelle. C'est destiné, oui. Parce que ça dépend de lui. Ce n'est pas du fait que... Ah, non, si, c'est que le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. C'est pour ça que dans Galates chapitre 4, verset 6 qu'il vous a donné, il dit parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son fils dans nos cœurs par lequel nous crions Abba. C'est parce que vous êtes fils. Si vous n'êtes pas fils, oubliez l'affaire. Là. Tout ce que vous faites là, c'est pour toi, ta famille, tes petits-enfants, pour tes petits-enfants. Je comprends le pourquoi ces personnes-là sortent. En fait, quand c'est écrit de cette façon-là, c'est comme un tri doit se faire, en fait. Oui. Pour que ce tri-là se fasse, il faut que l'évangile soit prêché. Oui. Pour que ceux à qui c'est destiné, ça les touche et ils rentrent. Voilà. Donc, c'est comme on ne sait pas où on va, on lance le filet. On lance le filet. Ce que ça prend, ça l'a pris. Et le Seigneur, justement, a dit ça. Il faut bien lancer le filet parce que des fois, faut bien, comme tu dis, lance le filet, mais parfois, il y a des mauvaises choses dans ce filet. Et Jésus a expliqué donc ça en disant que quand on lance le filet, on trie par la suite. Voilà. Si c'est le maquereau qu'on cherche et que tu te trouves être le capitaine, ce n'est pas toi qu'on veut, n'est-ce pas? Et le capitaine n'a pas voulu être capitaine, le maquereau n'a pas voulu être maquereau, n'est-ce pas? La sœur, c'est choquant ça, n'est-ce pas? Donc, il peut t'envoyer dans la dénomination, tu as fait les bruits à elle, mais tu n'es pas sauvé. Ça, c'est clair. On continue. Oui. Rentrons alors au chapitre 13 de ce même livre d'Actes, pourquoi on en lit aujourd'hui? Courage. Verset 46 encore au 48. Who can read? Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Oui. Car ainsi nous l'a donné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Il glorifiait la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crut. Amen. Vous remarquez que même là-bas, on n'a pas dit que tous les païens crurent, n'est-ce pas? On dit que la joie se retrouvait plutôt parmi les païens, c'est parce que les juifs étaient aigris. Et donc là, parmi les païens, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Oui. C'est quand même choquant la Bible. C'est choquant, mais c'est la vérité. Amen. On rentre dans notre texte de base. C'est ici, c'est la correction de ce qu'on a convenu d'apprendre, d'appeler depuis le 19e siècle la Grande Commission. Ouais. Donc la Grande Commission n'est pas dite à la grande foule. C'est de la Grande Commission est donnée à un petit commissionneur. Ceux qui sont commissionnés. Mm-hmm. Rentrons dans notre test de base. Donc, nous avons vu, il y a qu'on note dans Matthieu chapitre 28, verset 19, toutes les nations des disciples. Les gens interprètent ça comme si on va faire toutes les nations des disciples. Et on a vu effectivement que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1, verset 5, a dit là qu'ils ont reçu la grâce et l'apostolat d'Apôtre amené à l'obéissance de la foi toutes les nations, ou bien tous les païens. Et on voit effectivement que partout où ils passaient, ils n'amènent pas tous les païens. Donc ce qu'il a dit, c'est en réalité. Et c'est pour cela qu'on va dire exactement ce que la Bible, le verset, s'il en a dit autrement. Et de la même façon, c'est-à-dire que de la façon que la pensée du Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, on va dire la pensée du Saint-Esprit pour que ce soit une fois de plus clair pour tout le monde. Un, ce n'est pas tout le monde qui a été commissionné à aller annoncer l'évangile. Ça, c'est établi dans la Bible. Deux, quand quelqu'un croit, son rôle, premier rôle n'est pas de savoir n'est pas d'aller annoncer l'évangile. Son premier rôle, c'est de savoir ce à quoi il a été appelé. Parce que la Bible déclare dans ce livre d'Éphésiens chapitre 4, que les docteurs et autres là-bas sont donnés pour le perfectionnement des saints. Les saints doivent être perfectionnés en vue de l'œuvre de leur ministère. Ça veut dire que quand les gens croient, on doit les perfectionner pour entrer dans leur propre ministère, pour exercer dans leur propre ministère. Et ici, les gens d'aujourd'hui, ça nous dit plutôt que quand tu crois, va annoncer. Tu peux annoncer vraiment quoi au juste? Où? À qui? En fait, on est en train de dire, va recruter les membres pour qu'ils viennent payer les dîmes et les offrandes. Chapitre 28, verset 19 de Matthieu, encore une fois de plus, regardez. Entourez maintenant, allez, et on va parler là-dessus. Lorsqu'on voit aller ici, c'est un ordre, c'est un commandement. Mais on devrait poser, la question qu'on devrait poser tout naturellement, c'est que à qui est-ce qu'on en est demandé d'aller. Ça doit être répondu. Maintenant, les femmes pasteurs sont là aujourd'hui, les apôtresses, les apôtrices, et les apôtres, n'importe quel apôtre, quoi, je ne sais pas. Et elles disent aujourd'hui que la grande commission, mes soeurs, vous avez vu, Dieu a dit allez, allez. Est-ce qu'il y a le nom d'un homme sur ça? Non, il n'y a pas le nom d'un homme. Mais le principe éternel de Dieu dit que la femme doit se taire, elle doit fermer son tuyau d'échappement. Elle doit se concentrer. C'est comme ça, bouche bavarde là-bas. On dit qu'elle apprend à aller de maison en maison, dirant ce qu'il ne peut pas dire. Qu'elle se calme, elle se tait, elle cultive le nettoyage de l'intérieur, que c'est là-bas que Dieu l'attend, parce que c'est un grand prix. Dieu n'a pas dit que c'est un grand prix devant lui pour une femme de gagner les hommes sur, des âmes sur la terre. Non, non, non, non. Il a dit que c'est un grand prix pour elle de savoir cette terre, que son nettoyage soit nettoyé, n'est-ce pas, mes soeurs? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, pour vous qui recevez cela et qui comprenez. Verset 16 maintenant, du chapitre 28. On y va? Oui, allons-y. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Oui. Continue. Quand il le vit, il se prosternait devant lui. Mais quelques-uns eurent les doutes. Et Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui. Allez, faites de toutes les nations les disciples, voilà, les baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Vous remarquez très attentivement que le mot « aller », on voit effectivement à qui il est en train de parler. Dans le contexte de ces versets-ci, il y en avait 11 personnes devant de lui et 11 hommes. Et le Saint-Esprit dit là-bas que les 11 disciples sont allés sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Si vous lisez le chapitre 26, verset 32, vous allez remarquer effectivement qu'il leur avait parlé que ce soir, ce serait pour vous tous un objet de scandale. Selon qu'il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersés. Il dit, mais quand je serai au verset 32 là, il dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et c'est là-bas, quand il va ressusciter, vous remarquez au verset 28, chapitre 28, verset 6, le l'ange va dire, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit, venez, voyez là où il en est. Et là, il va dire maintenant, il vous a, verset 7 dit, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Au chapitre 26, donc verset 32, Jésus leur avait dit que quand je serai mort, quand il va ressusciter, là qu'on va frapper et que je vous serai dispersé, souvenez-vous, c'est en Galilée le lieu de rencontre. Quand il meurt, dans le chapitre 28, les disciples viennent là-bas, ils sont étonnés, tout le monde est chamboulé parce que ça arrive. Il dit que vous avez dit de le retrouver en Galilée. Verset 7, verset 7 là, il dit, verset 6, verset 7, il dit encore la même chose. Il dit qu'il vous précède en Galilée. Et donc là, verset 7 dit donc, les 11 disciples allaient en Galilée, virgule, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Amen. Amen. Donc le lieu de rendez-vous était connu par ces 11-là. Parce que Judas c'était fait tuer. C'est pour ça qu'ils sont restés 11, n'est-ce pas? Et donc, dans ce contexte de ces versets, nous voyons effectivement qu'il ne parlait pas à tous ses disciples qu'il aille. Parce que quand il était sur la terre lui-même, il prêchait, il ne disait pas à tous ses disciples d'aller. Vous avez compris ça, mes chers? Il avait dit, il y avait des gens spécialement qui les envoyaient en disant, allez faire telle chose. Quand il fallait aller faire la course, donnez-le vous-même à manger. Donnez ceci. Vous voyez, vous comprenez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Donc, dans le contexte des Matthieu 28, il parle à 11 hommes d'aller. C'est eux donc qui peuvent bâtir. C'est pour ça qu'on a dit que enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus a prescrit certaines choses à ses apôtres, les instructions qu'ils doivent donner à la foule. C'est pour ça que les dons hommes sont là, ils reçoivent les instructions pour donner. L'apôtre Paul dira au chapitre 14 de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6, que de quelle utilité vous serez si il vient à vous parler en langue. Si il ne vous parle pas par révélation, ou par prophétie, ou par doctrine. Quand il vient, il y a quelque chose qui l'apporte pour édifier les chrétiens. Que Dieu vraiment vous bénisse comme vous entendez ces choses-ci. Luc chapitre 15. Donc, écoutez très attentivement. Chaque fois, mes bien-aimés dans le monde, vous tous qui m'écoutez, chaque fois quand vous allez lire Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, pensez chaque fois, et désormais que ça soit établi dans votre esprit, en lisant cela avec en parallèle Luc chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Les deux versets sont liés dans leur contexte spirituel. Voilà. Que la correction arrive maintenant. Que la correction arrive dans le monde entier et qu'on cesse d'embrouiller les gens avec cela. Grande commission. Ouais. Maintenant, la sœur Christiane peut-elle lire le verset 1 à 10, ou bien à 7 d'abord, ou bien on prend jusqu'à 10. Chapitre 15 de Luc, verset 1 à 10, lire la sœur Christiane, pour que le sommeil ne te prenne pas quand tu es silencieuse. Ou bien elle dort déjà. La sœur Christiane a coupé son micro. Si tu es en train de lire chez toi, c'est, tu sais que c'est toi ce qui est en train d'écouter, on ne t'écoute pas donc. Tu ouvres ton micro. La sœur Christiane, tu nous écoutes. C'est sûr que le sommeil l'a pris. Là, il a entendu comme ça que le frère Junior dérange avec ses évangiles là. Vous y êtes, mes frères. Amen. Oui. Amen. Bon, la sœur Enlie nous a en remplacement de l'autre appelé à d'autres fonctions. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il n'en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec sur ses épaules, il appelle ses enfants et leur dit, réussis, car j'ai retrouvé ma brebis qui s'est perdue. Même, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Deux paraboles qui veulent dire la même chose. En fait, même le troisième dit vraiment la même chose. Le troisième parabole, il va parler de cet homme qui a deux, il avait deux fils et que l'un va dire, donne-moi ma part de l'héritage. Il va laisser voter dans la boue avec les autres, avec les prostituées et les débauchés. Maintenant, regardons ici. Il mange avec les gens de mauvaise vie. Les publicains, les pharisiens disent, quoi, les pharisiens disent, il mange avec les prostituées. Il veut leur montrer effectivement qu'il est effectivement venu pour eux, que dans la boue là se trouvent ses enfants pour qui il est venu. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez très attentivement. Remarquez que là, dans la parabole, le monsieur qui laisse 99 brebis sur la montagne, les brebis sur la montagne lui appartiennent. Et il va comme ça chercher une brebis. Quand il va aller, le nombre c'est une. Il ne rentrerait pas avec deux brebis. Parce qu'il rentre avec deux brebis, il a pris la brebis d'autrui, pas vrai? Exactement. Le deuxième parle d'une femme qui a perdu quoi? Qui avait dit, elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une. Elle allume la lampe, elle balaye jusqu'à ce qu'elle cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Elle ne la retrouve pas, elle la retrouve parce que c'est une drachme qu'elle a égarée. Et quand elle trouve cette drachme-là, ça lui coûte l'argent parce qu'elle sait ce qu'elle est en train de chercher. Et elle sait où elle est en train de trouver. Elle cherche où elle est. Vous voyez? Donc c'est pour ça que le fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Ésaïe chapitre 50, prenons chapitre 54, notez chapitre 54, verset 13, et puis Jean chapitre 6, verset 45. Notez. Vous y êtes? Oui, c'est 54. Verset 13. Et puis, Jean chapitre 6, verset 45. Notez, je vais vous donner des versets concernant cela, vous allez lire. Et puis, vous pourrez citer d'autres choses. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. Et là, vous connaissez également cela. 1 Timothée chapitre 2. Verset 1 à 4, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ dit que je veux qu'avant toute chose qu'on prie pour les gens qui sont élevés en dignité, car cela est bien agréable devant Dieu notre Père qui veut que tous les hommes soient parviennent à la connaissance de la vérité, que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand il y a des gens qui lisent justement cela, ils disent nous voici ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ils ne comprennent pas ce qu'on en avait dit. Dieu dit clairement là-bas qu'en réalité, que ce soit même parmi les États, les gens de l'État, dans tous les groupes, il a ses enfants là-bas, ils veulent que tous ceux-là donc soient sauvés. Donc on croit que c'est tout le monde entier qui en train de parler. Si, et la Bible déclare dans Romains chapitre 9 que est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui puisse résister à la volonté de Dieu? Alors, si vous voulez que les hommes soient sauvés et que les gens ne sont pas sauvés, c'est qu'il y a quelque chose même avec sa propre volonté là. Oui. Vous y êtes. Marc chapitre 6. Notez Marc chapitre 6. À partir du verset 19. Notez. Donc on va finir. On va prendre la première portion dont je vous ai donné là. Voilà. Non, Marc chapitre 6 à partir du verset 19. Ça, c'est l'histoire de Hérode. Je souhaitais vraiment entrer d'abord avec Jean-Baptiste. Bon, maintenant, allons, prenons en parallèle, ouvrez les deux premiers versets que je vous ai donnés. Ésaïe 54, puis Jean chapitre 6. Personne lit Isaïe 54, verset 13, et l'autre lit Jean chapitre 6. Dès qu'il va finir, l'autre va lire Jean chapitre 6, verset 45. Isaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Voilà. Si on lit cela, on s'arrête. Vous allez remarquer, effectivement, si vous lisez le livre des Romains, chapitre 10 et chapitre 11, encore une fois de plus, l'apôtre va expliquer là-bas, de façon un peu plus claire, que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être des enfants d'Abraham, tous ne sont pas ses fils, n'est-ce pas? Ici, la Bible proclame dans le livre des prophètes que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et lorsqu'on entend ça, on a comme l'impression que non, ça veut dire que tous les Juifs seront les disciples du Seigneur. Pas vrai? Aller ramasser Judas en enfer maintenant pour amener qu'il soit disciple du Seigneur Jésus, bien qu'il le fût sur la terre. Maintenant, lisons Jean chapitre 6, versets 45 et 46. 45 d'abord. Qui d'autre va lire alors? Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Maintenant, la sœur lit avec la ponctuation, sinon on n'aurait pas compris grand-chose dans ce qu'il en est. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père... Là, tu as lu avec la virgule. Il y a un point, n'est-ce pas? Quand il y a le point, arrête-toi, tu respires un peu, on cause, et puis tu vas continuer par la suite, quoi. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Voilà. Ça va, ma soeur? Oui. Voilà. Là, le Seigneur Jésus en a décidé ce qu'on vient de lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 13. Tu vois? Maintenant, continue dans le verset. Quiconque a entendu le Père qui reçu son enseignement vient à moi. Voilà la façon de venir à Jésus. Maintenant, remontons plus haut pour voir ce qu'il en est dit. Chapitre, verset 43 et 44. Lis, ma soeur. Jésus leur dit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 46. Ce n'est pas que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. Alors, on a fatidiquement dans la Bible cette image qui est présentée. Dieu a ses enfants sur la terre qui sont égarés et c'est votre chacun dans son domaine de péché, dans son domaine de ténèbres. La lumière vient pour les faire ramener à lui. Point final. Et donc là, puisqu'ils sont versés partout dans toutes les souches de la société, Dieu dit à ses disciples que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je vous laisse la responsabilité d'aller les faire venir pour qu'ils viennent dans l'enclos. Celles-là, ils entendront ma voix. Comment vont entendre la voix du ciel? Non. Au travers de ses prédications. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous savons qu'il sait à quoi il vous a appelé par notre prédication. Il vous a appelé par notre prédication. Donc, quand ils ont entendu la prédication, ils ont discerné la voix de Dieu, ils sont venus dans l'enclos. Alors, voici ce que Matthieu, je vais d'abord lire Matthieu, chapitre 28, verset 19, tel que c'est écrit. Et il va donc dire maintenant ce que le Saint-Esprit en a dit. écoutez bien et que la correction revienne. Souvenez-vous que chaque fois quand vous allez lire Matthieu 28, si vous voulez tordre pour parler de la grande commission, souvenez-vous de Luc chapitre 15. Donc les deux sont liés dans l'esprit. Alors Jésus dit, regardez bien, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez faites toutes les nations des disciples, allez faites de toutes les nations. Ça veut dire qu'il y a dans les nations, il y a des disciples à l'intérieur des nations, allez les retrouver. Vous y êtes? Allez faire de toutes les nations des disciples. Parmi les nations, allez faire des disciples. Il y a des disciples parmi les nations, parmi les gentils, parmi les païens. Donc quand les apôtres parlent partout, parmi les païens, ce sont eux là qu'ils cherchent. Maintenant, il dit donc, dans Matthieu chapitre 28, dit clairement non ceci. Donc conformément à Luc chapitre 15, verset 1 à 10 que nous avons lu tout à l'heure, dit, voici ce que le Seigneur avait dit à ses 11 disciples-ci, ceux qui étaient sur la montagne en Galilée. J'ai encore d'autres brebis. Souvenez-vous que je vous avais dit sur la terre que le royaume devait être établi par Jérusalem. Maintenant, ma première mission est terminée. Il reste à chercher maintenant vos frères qui se trouvent dans les nations. Allez, prenons les brebis qui sont partout là-bas. Allez, me les ramener. Amen. Ne craignez pas parmi les nations. Je suis avec vous pour faire cette tâche-là jusqu'à ce que... Écoutez, notez Luc chapitre 21, verset 24. Jusqu'à ce que Luc chapitre 21, verset 24 s'accomplisse. Lisons ce qui est écrit là-bas. Et puis je vais redire ces choses-ci. Vous voyez comment il voulait développer quelque chose subitement. Le verset vient comme ça. C'est terrible seulement. Qu'est-ce qui va lire le verset 24 de Luc chapitre 21? Vous allez retrouver ça aujourd'hui comme ça. Oui, c'est là déjà. Ouais. Allons-y. Luc chapitre 1, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Oui. Ils seront amené captif parmi toutes les nations. Oui. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Amen. Donc vous voyez effectivement que dans tout le ministère là, Dieu dit clairement, il a mis un temps pour Israël, un temps pour la chute d'Israël, un temps pour son relèvement, un temps que les nations vont faire ce qu'ils ont à faire jusqu'à ce que le temps aussi arrive à son terme et se tourne encore vers Israël. Donc en clair, j'ai des brebis là-bas au milieu des nations. Celles-là, il faut que vous les... Et il avait dit dans Jean chapitre 10. Il dit, celles-là, il faut que je les amène. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Vous voyez? Et là, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez que l'apôtre Paul dit, par exemple, que je n'aurais pas mentionné que bah, dans tout le contraire, il dit toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est dans moi. Que c'est lui qui les a amenés comme ça, à l'obéissance à la foi. Et donc là, j'ai encore d'autres brebis qui sont là-bas. Allez les amener. Ne craignez pas. Je suis avec vous pour faire cette œuvre-là. Cette œuvre-là sera manifestée dans le monde entier jusqu'à ce que leur temps arrive, où ça va finir. En fin de compte, annoncer l'évangile est réservé à des personnes qui sont appelées à faire cela. Imposer les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, ce n'est pas donné à tout le monde, même parmi les apôtres. De la même façon comme parmi les hommes, il ne suffit pas d'être homme pour être enseignant de la parole. Malgré qu'on soit homme et qu'on soit chrétien, la Bible déclare que ce n'est pas tous les hommes qui doivent enseigner. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Berger dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Alors, la grande commission, c'est pour des petits commissionnés. Je voulais poser une question. Oui. J'entends souvent quand on est réunis dans le sujet de prière comme prions pour chaque membre de nos familles. Continue comme ça, c'est bon comme ça pour l'entendement. Prier, c'est bon. Ma question est que si tel est le cas, comme tu as développé tout à l'heure, est-ce que vraiment il y a lieu de prier pour chaque membre de la famille en disant que le Seigneur les sauve, en les citant nom par nom? Non. Attends-y. Allons voir que l'apôtre Paul a élevé ce style de prière. Allons-y, Romain. Rentrons là-bas, puisque c'est vous qui m'avez posé toutes les questions. Et il connaît effectivement ce qu'il en est. Il ne prie pas pour qu'il soit sauvé, en réalité. S'il était un être humain et qu'il avait la possibilité de sauver, il sauverait. Mais allons-y, il lit ce qu'il lui-même va dire. Vous y êtes? Oui. Chapitre 10 des Romains. D'abord, chapitre 10, vous y êtes? Verset 1 à 3. Frère, je veux de mon cœur, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. vous avez vu, non? C'est la même prière. Mais manifestement, chapitre 11, il dit clairement qu'une partie est tombée dans l'enlisement. Il sait que dans le mystère de Dieu, c'est qu'une partie doit tomber. Si tu es destiné à tomber dans l'enlisement, comment tu vas faire pour comprendre l'évangile? Parce qu'il y a une partie dans le plan de Dieu qui va tomber dans l'enlisement. Puis il va dire clairement que de même, à cette époque, il y a un reste selon l'élection. Parce qu'il va parler d'Élie. Que vous vous souvenez d'Élie, comment il a fait? Et quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 5000 hommes qui n'ont point fléchi sur les genoux. Et après, il dit, de même, à cette époque, il y a un reste selon l'élection. Donc, quand il dit en réalité, l'apôtre pose. Oh mon Dieu, quel apôtre! Quel apôtre! Quel apôtre! Donc, alors, lui-même, il a fait cette prière-là. Voilà, comme vous avez vu là. Le vœu de mon cœur, c'est qu'il soit sauvé. Il souhaiterait qu'il soit sauvé. Mais il se rend compte que là, c'est grave parce que ne connaissant pas Dieu, la justice de Dieu, ils ont établi leur propre justice. N'est-ce pas? Ne sachant pas, comme il a dit dans ce verset 3 là-bas, le verset suivant là-bas, en disant que car Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Alors maintenant, comment on va faire? Il ne peut pas faire ça autrement. Il développe n'importe comment, on ne comprend pas. Mais il dit, je souhaiterais en tant qu'homme que eux-mêmes soient sauvés. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Voici le vrai problème. La personne qui sort pour aller sauver, pour aller annoncer la lumière, le salut, ne sait pas qui doit venir. C'est ça le problème. Tu annonces. Et dans chapitre 17, on voit effectivement comment elle a annoncé à l'aéroport, annoncé l'évangile, annoncé. Les gens ont dit que non, on t'entendra plus tard. Les gens parmi les païens là, on dit on t'entendra quand ils ont entendu parler de résurrection des morts. On dit cependant quelques-uns d'entre eux s'attachaient à Paul et crurent. Quelques-uns. Vous avez vu cela? Voilà comment l'évangile les a amenés. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant, qui écoutent même sur Bamba Yaba. Ils écoutent, ils sont chez eux. Ils n'ont jamais fait, ils même écrit un mail, même quoi. Ils écoutent, ça les travaille à la maison. Ça les travaille. D'autres pasteurs même qui écoutent, ils disent ça, c'est ça. Ils se corrigent. Gloire au Seigneur, ouais. Au Seigneur pour cela. Il y a des pasteurs qui se corrigent. Ils se corrigent doucement. Ils entendent ça, ils disent que ça, c'est vrai. Ils vérifient dans la Bible. Ils passent le temps à vérifier. D'autres qui disent, ils attendent là où il va chuter pour voir vraiment là chuter. Qu'ils attendent. ils l'ont suivi. Pendant qu'ils suivaient, ça les attrape. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils se corrigent. Ouais. Mon vœu pour eux, c'est que chacun se corrige pour qu'on se rencontre ces jours-là, au grand jour du festin. Amen, amen. Amen, ne parle plus de moi. Comme tu veux ouvrir la bouche pour parler de moi là maintenant. Là. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. La sœur est fatiguée, il faut qu'elle dorme. Il y a une même question, je ne sais pas si c'est dans le même contexte. Dans Jean chapitre 4, verset 38, là. Oui. Non, 36. Mm-hmm. Oui, parle de celui qui moissonne, reçoit un salaire oui. Et amasse des fruits pour la vie éternelle, oui. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Absolument. C'est la même chose. Mais l'apôtre Paul a dit effectivement dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9, que vous êtes le champ de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Selon que Dieu m'a donné des porés ou la fondation, comme on s'est acheté, vous vous souvenez, n'est-ce pas, que j'ai planté, l'autre a arrosé. Et chacun va recevoir sa récompense dans cette œuvre-là. Quand on met la plante au sol, il y a quelqu'un qui doit venir arroser. Donc, lorsqu'on est dans un jardin, c'est ça, non? Et là, là, il va dire à ses disciples que vous êtes entré dans le travail des autres, n'est-ce pas? Ce que tu en as dit là. Parce que les apôtres sont venus lui demander que, mais est-ce que quelqu'un lui a donné la nourriture à manger? On lui demandait de manger. Il dit que j'ai encore une autre nourriture à manger. Il dit, ne vous dites-vous pas qu'il a 12 dans un jour? Et vous comprenez, il dit que c'est la nuit avancée où on ne peut pas faire l'œuvre, il est temps qu'il fasse l'œuvre avant que le jour ne tombe. Puis il va citer ces paroles que tu as dédiées là maintenant. Et là maintenant, il dit que vous-même, je vous ai envoyé travailler sur le travail que d'autres ont travaillé. Alors avant les disciples là, qui avaient travaillé? Vous voyez, les apôtres, la Bible déclare justement dans un pied maintenant que les prophètes ont prophétisé à ce que vous êtes, qui sont destinés pour nous. Donc ils ont fait un premier travail d'évangélisation. Hébreux chapitre 4 dit que cette même parole que nous annonçons là, ça a été annoncé à eux, mais ça ne trouve pas point de foi chez eux. Donc ça veut dire que l'évangile qu'on prêche là en Jésus-Christ, c'est toujours dans la Bible, avec le langage biblique, avec dans l'Ancien Testament. Amen. Tu comprends, mon cher? Voilà. Ouais, c'est ça. Shalom, shalom, shalom. Shalom, frère. Ça fait 2 h 05 minutes, nous sommes ensemble. Souvenez-vous toujours, je vous aime. Je vous aime véritablement. Et s'il arrive un de ces jours, vous ne me voyez plus, ou bien que je ne vous vois pas, je vous aurais dit la vérité. Marchez seulement dans cette vérité-là. Gardez cette vérité, ne laissez rien vous pervertir. Souvenez-vous que si quelque chose vous est annoncé et que ce n'est pas conformément à la Bible, ne croyez pas, quelle qu'en soit la personne qui vous le dit. Ma prière, c'est que le Seigneur vienne et que nous se réunions avec nous ces jours-là pour ce solennel chant qui va se chanter dans Apocalypse chapitre 19, verset 6. On va se réjouir ensemble. Je vous aime. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée, Belgique, dans la sainteté. Bonne soirée, frère. Reposez-vous bien, d'accord? Oui, toi aussi, surtout toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Au notre soeur n'a pas parlé. Elle est à l'hôpital. Oui, elle a dit qu'elle n'avait pas parlé comme elle est à l'hôpital. Mais elle a subi l'enseignement. Hein. Voilà. Ça va, comme demain normalement j'ai rendez-vous pour recevoir les clés du déménagement. Ok. Donc s'il n'y a pas d'imprévu entre temps, ben je viendrai si le Seigneur me fait grâce. Amen. Amen. Ah, ok. Bonne soirée. Voilà. Et Sorel, tu es libre ce week-end? On se verra ce week-end. J'ai demandé, est-ce que on peut faire la Pâque prochaine ici avec les sœurs? On peut faire ça. Je crois qu'il va vous connecter dans le monde entier. On sera ensemble, on sera de faire le nôtre ici. Ah, on l'a pour longtemps pas. La Je disais, vous m'entendez là maintenant, n'est-ce pas? Oui. Je disais que je vais vous connecter dans le monde entier, on sera en train de faire le nôtre si vous voulez vous célébrer au même moment. Que Dieu vous bénisse. Ok, amen. Pose-toi, mon frère. Bye bye. Bye bye. I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat.